Je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts, quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire, tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. Radio, c'est vendredi aujourd'hui. Avant de partir en week-end, on se met bien et on commence la journée avec l'équipe de Bruno dans la radio. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Bah, et on va bonjour, faire mieux bonjour. Que se mettre bien, les amis. On vous offre ce matin, parce que c'est vendredi, on vous offre vos places pour assister au match d'ouverture de l'Euro 2016 de foot. On fait ça tous les vendredis jusqu'au démarrage de l'Euro. On fait ça avec David Guetta. Ça, c'est là, pas mal. Il est 5h59, ça va commencer dans 20 secondes. Là, pour l'instant, hop, j'en parle. Pour l'instant, il se passe rien. Mais là, maintenant, dans 15 secondes, il va se passer des trucs. On a le son de Fun Radio qui arrive chez vous. Calvin Harris, Rihanna, pour lancer l'émission, c'est dans 5 minutes. Les Chainsmokers, et là ça y est, oh bah il est 6h. À partir de maintenant, le hashtag Bruno Fun Radio. Alors il vous sert bien entendu à communiquer avec nous via Twitter, via Instagram, balancer vos messages. Mais le hashtag Bruno Fun Radio va surtout vous permettre de repartir avec vos places pour la cérémonie d'ouverture le 10 juin au Stade de France. Vous avez le mix de David Guetta, vous avez la rencontre avec David Guetta, puis après vous allez vous mater le match. Hashtag Bruno Fun Radio. On arrive chez vous après les news. Bisous Rémi, bon week-end. Bon week-end, salut. Bisous. À tout de suite. Fun Radio. Le son Dance Floor. Les premières infos de ce vendredi, c'est le 3 juin, c'est Justine Salmon pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bon réveil, bienvenue, on y va avec la météo avec un temps un peu plus calme aujourd'hui, ça restera couvert mais on nous annonce moins de pluie, sauf sur le quart nord-est. On va avoir des éclaircies dans le sud, sur la pointe bretonne et sur la pointe normande. Attention, la Seine-et-Marne reste en vigilance rouge, mais la bonne nouvelle c'est que l'eau se retire petit à petit. 12 départements sont en vigilance orange en Île-de-France et sur une grande partie du centre Val-de-Loire. Les températures, ça va de 9 à 14 degrés ce matin. On attend cet après-midi 17 à Paris. Il fera 19 degrés à Belfort, 21 à La Rochelle et 24 à Perpignan. Et un coup d'œil sur notre week-end, encore un peu agité demain. Ce sera mieux dimanche et encore mieux la semaine prochaine. 20 000, c'est le nombre de personnes évacuées depuis le début des inondations. 20 000, c'est aussi le nombre de foyers privés d'électricité. Vers Paris, la crue se déplace et la Seine continue de monter. Le pic pourrait être atteint à la mi-journée avec 6 mètres d'eau. Le RERC ne circule plus dans Paris jusqu'à lundi. Le musée du Louvre et le musée d'Orsay seront également fermés par précaution. Et puis la grève se poursuit à la SNCF. On a 2 TGV sur 3 en circulation, la moitié des TER et un tiers des intercité. L'autopsie a parlé, le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de médicaments avec du fentanyl, un puissant médicament antidouleur, 50 fois plus puissant que l'héroïne. L'artiste de 57 ans est décédé brutalement le 21 avril dernier. Enfin, on parle tennis avec Roland Garros. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Ça va jouer entre Novak Djokovic et Dimitri Thiem. En face, Stan Wawrinka jouera contre Andy Murray. Et chez les filles, première demi-finale entre Serena Williams et Kiki Bertens. Et Samantha Stosur sera opposée à Garbin Muguruza. Il est 6h02. Bon réveil et bonne matinée sur Fun. C'est Bruno dans la radio. Fun. Fun Radio. Vendredi, c'est le 3 juin, c'est Fun Radio. Il est 6h03. Bonjour! Bonjour! Oh, mais je sais. Je sais que vous l'attendiez. Je sais que vous l'attendiez depuis quoi? Depuis lundi matin? Depuis lundi matin, vous êtes chez vous et vous vous dites, il va arriver. Mardi, il n'est pas là, forcément, parce que c'est mardi. Le mercredi, il ne vient pas, mais il se rapproche. Le jeudi, il n'a jamais été aussi près, mais le vendredi matin, il est là. Oh putain, c'est vendredi! C'est quasiment le week-end, on a la tête dedans, j'espère que ça va bien. C'est en très grande forme qu'on arrive avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. Et pourquoi ça s'appelle Bruno dans la radio? Parce que je m'appelle Bruno et qu'on est dans une radio qui s'appelle Fun Radio. Je peux vous dire que ça a été bossé, il y a des consultants américains qui sont sur là-dessus, rien n'a été laissé au hasard. Calvin Harris, Rihanna pour attaquer l'émission, ça arrive. Et toute l'équipe de Bruno dans la radio qui est attaquée ce matin, il y a Christina. Bonjour. Il y a mon vaché. Et bonjour. Il y a Yot. Et bonjour Bruno. Et il y a David. On a lancé ce matin hashtag Bruno Fun Radio jusqu'à 9h15. C'est de 6h à 9h15. Vous avez 3h15 les amis pour faire la différence. Vous balancez des messages comme vous le faites d'habitude. Avec le hashtag Bruno Fun Radio. Sauf que là, on peut choisir votre message et vous offrir deux places pour assister à la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016, c'est le 10 juin prochain, on n'a jamais été aussi proche. C'est au Stade de France, c'est David Guetta qui va mixer à la cérémonie d'ouverture. Vous rencontrerez David et vous verrez le match, c'est quand même un kiff. C'est pour énorme. L'instant, pour attaquer l'émission du jour, notre auditeur ce matin a 14 ans, il habite à Montreuil, on est dans le 9-3, il s'appelle Evan. Applaudissements pour Evan. Ouais. Brune dans la radio. Ça suffit. Evan, 14 ans, t'es en quelle classe? Là, je suis en quatrième. Passe en 3e. Bah, j'espère bien que tu passes en 3e. T'as quelle moyenne générale? Je sais pas encore, mais j'ai les bonnes notes, ça va. Ouais, en gros, on sait toujours, en gros, on est début juin, tu sais en gros si t'es plus proche de 16 ou de 12. Non, plus que 12 quand même, ça ouais. Ah, 16, quoi, il y en a peu qui ont 16 de moyenne quand même. Ouais, en quatrième, t'avais combien de moyenne toi, Christina? 13-14, je pense. Vaché. Moi, j'avais 11. Elliot. Moi, 12. Hein. À tout casser. Hein. Moi, j'ai redoublé ma cinquième. Ah, merde, j'avais moins qu'Elliot. C'est horrible. Ah ouais, et ouais. Toi, Bruno? Moi, j'avais 18-20. Ouais. C'est vrai? Non. Attends. Moi, j'en avais quand même 5-6 dans la classe qui avaient 18 de moyenne. Ah ouais, il y en a des bons élèves. Non, les amis, je vous explique. Jusqu'à la 3e, j'étais le meilleur de mon collège. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai commencé à faire beaucoup de radio. Ah, c'est pour ça. Et à m'intéresser un peu plus aux filles. Bon, ça a été un mélange de plein de trucs. Mais non, je te jure, ouais, non, j'étais super bon. 18-20. Oh, j'ai 20 de moyenne. Ouais. Tu sais, quand la prof, elle distribue les copies, des fois, elle part de la pire note jusqu'à la meilleure. Oui. Et Bruno, il devait tellement être en attente de je sais que je suis le dernier. Ouais, c'était... grave. C'est lui qui disait, putain, j'ai 18, merde, j'ai loupé, quoi. Ouais, je savais que j'avais loupé. C'est ce qui 18. Et tu sais quoi, ça m'est arrivé. C'est ce qu'il faisait aussi, Bruno, quand elle rendait les copies et que toi, t'avais tout faux et tout. Il te donnait sa copie et il disait, tiens, ça va t'aider pour corriger. Non, parce que j'étais bon mais cool. Ah bon? Et puis j'ai aidé mes potes qui étaient en galère et tout ça, donc ça allait. Ah bon, ça va alors. Evan, bientôt les vacances à mon pote. T'attaques avec quel cours là aujourd'hui? Genre physique chimie. Oh putain. Moi j'aimais bien ça. Mais physique chimie le vendredi? Avec la blouse, les expériences. Et au-delà de tout ça, après t'as les circuits électriques, ça j'adorais, en dérivation ou en série. Mais et non tout. Un de mes cours préférés. Ouais, on est en plein dans ça. Ah bon, c'est super. Les circuits électroniques. C'est en technologique que tu fais ça normalement? Non, c'était en physique chimie, ouais. Ah bon. Il paraît que t'as un soulagement aujourd'hui, c'est un soulagement pour toi de m'avoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben en fait, il y a environ un mois, t'as accordé une émission à un type qui s'appelle Ruben, je sais pas si tu t'en rappelles. Et en fait, c'est mon frère. Et depuis, il fait que de me charrier en mode « Ouais, moi, je vais l'émission avec Bruno et pas toi et tout. » Et du coup, un petit peu pour qu'il arrête, quoi. Ouais. Ben, j'ai décidé de vous demander si vous pouvez m'accorder l'émission. Mais une émission, c'est-à-dire, on avait fait quoi avec ton frère, je me souviens plus. C'est-à-dire l'émission dédicacée. Genre, c'est l'auditeur du jour, quoi. Mais mec, alors tu sais quoi, c'est ton émission dédicacée, on va même te dédicacer notre week-end, Evan. Ah, génial. Et s'il y a un concours entre ton frère et toi, t'inquiète pas, t'as déjà gagné, hein, je te rappelle qu'il s'appelle Ruben. C'est mignon, Ruben. Oh ouais, c'est sympa. Sûrement dans certains pays. C'est quoi? Et chanson pour Evan. C'est quoi? Tu vas même avoir ta chanson. Vaché, t'es prêt? Allez. Attention, guitare. 3, 4. Ouh! Allez pour Evan, tout le monde tape dans les mains. C'est le meilleur, y a pas de doute. Ce matin, il est là pour nous, c'est Evan. Evan, Evan, Evan, Evan, le plus beau des auditeurs. Le plus fort, le plus grand, le plus doué depuis longtemps, c'est Evan. Evan, qui contrairement à Ruben, a été désiré par les parents. Pardon. Evan. Ça, faut pas trop le dire. C'est bon, hey, t'es refait, mon pote, on t'embrasse. Ok, salut. Passez une bonne journée. Ciao, bisous. Ciao. Bisous. Vous appelez pour le Toto gagné, Toto perdu, 32-28, on fait de la radio ensemble, juste après Rihanna Calvin Harris. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. C'est Fun Radio. Don't let me down des Chainsmokers qui va arriver. Bon, ça passe. C'est que, je sais pas, on avait déjà fait ce sujet ou pas? Des chansons qui énervent. Je crois qu'on en avait parlé. Ouais. Mais sur des vieux trucs, des chansons qui nous énervent depuis une éternité. Ouais. Je me souviens, Elliot, à l'époque, tu nous avais dit c'était quoi, c'était le truc là, Papa American. Comment s'appelait ce truc là? Yolanda Be Cool. Yolanda. Ouais. C'est ça le nom. Ouais. Yolanda Bicoulsa. Papa l'Américain. Mais ça m'énerve, mais même encore là. Et vous savez, on avait fait sujet, moi je me souviens, j'avais dit, parce que j'en ai plusieurs, mais j'avais le pull marine d'Isabelle Adjani. Ah oui. C'est des vieilles chansons. René La Taupe, ce genre de truc, voilà. Ouais. Mais il y a des chansons, je pense, actuellement, qui peuvent nous énerver. Ouais. Genre quoi ? Des chansons récentes. Je suis tombé. Alors voilà, vous savez, le matin, je zappe parce que j'écoute les infos, et notamment sur RTL, qui fait partie de notre groupe. Hein, on est dans la même maison. Ils ont passé la dernière chanson de Renaud. Ah, le flic, là ? Et Renaud, j'aime beaucoup le personnage. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai même tendance à admirer. Je serais plutôt fan. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que sur son dernier album, après ses déboires avec l'alcool et tout ça, il n'a pas retrouvé complètement sa voix. Et là, sur la dernière chanson... J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, sachant ouais, c'est vrai. J'ai pas cru il y a 30 ans. Et je... C'est voir le blocage. J'en serrerai un entre moi. Tu sais que c'est devenu un grand jeu dans le bureau. On passe notre journée à faire « J'ai embrassé un flic ». Mais non, mais tu sais, en fait, c'est que ça me donne envie de tousser. Mais c'est oui, envie c'est de faire « Ah, c'est sa voix qui te dérange. Et ouais, j'ai un problème. J'ai un problème avec, avec le morceau. Ouais, alors, Et je suis désolé parce que c'est vraiment un artiste que j'aime bien. Mais ça fait partie. Voilà, c'est le morceau en ce moment, il m'énerve. Je l'entends, je zappe. C'est vrai qu'il parle toujours pareil, genre « Oui, salut. Oui, embrassé un flic. » J'en ai un aussi qui passe tout le temps sur TF1. Vous voulez que je vous le dise maintenant ou après? Mais vraiment, c'est je pense que c'est ça quoi, va... Après. On peut lancer un sujet très bien. C'est quoi les morceaux en ce moment où vous pouvez plus? Les morceaux qu'on peut plus. D'accord. Mais on prend sur des trucs récents, pas des vieux morceaux d'il y a 15, 20 ans, hein, des trucs récents. Allez, on se donne même une fourchette d'une année. Mais je suis sûr que dans ma chanson, vous verrez, il y en a d'autres qui vont se rejoindre à ma cause, Salim. Bon, eh ben écoute, tu sais quoi, on en parle dans 5 minutes, c'est bien. C'est le petit truc qui soulage du vendredi. Ouais, d'accord, ouais, ça on fait ça bien. Sur Fun Radio 3228. Vous venez faire de la radio avec moi. Fun Radio. Tout gagné, tout pétu, qui nous amène ce matin dans les Alpes de Haute-Provence à Sisteron. Il y a Lionel qui nous attend là-bas. Applaudissements pour Lionel. Salut Bruno, salut la famille, comment ça va? Ça va mon yo-yo et toi? Ça va, nickel. Là, je viens de finir la nuit. Ça va au top. T'as bossé dans quoi cette nuit, toi? Là, je suis chauffeur livreur en fait. Mais t'as le droit de rouler la nuit quand t'es chauffeur livreur? Ouais, mais en fait, moi, je fais d'un point A à un point B. Hein. Je livre pas les gens la nuit. Je les réveille pas. En général, les chauffeurs font ça aussi. Hein. Ils vont d'un point A à un point B. C'est quoi, toi? Je vais d'un point A et puis après... Pouf. Je reste au point A, je relivre au point A. Bon, Lionel. Oui. Principe du toutou gagné, toutou perdu. Tu viens de gagner un chèque de 500 euros à dépenser sur monchoroom.com. Je rajoute une caméra GoPro, je rajoute... Une enceinte Philips, plus la compile Fun Dance 2016. Ces quatre cadeaux sont à toi, d'accord? Waouh, ok. Ta mission maintenant, c'est de les garder. Et pour les garder, il va falloir que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse va entraîner la perte d'un cadeau. Est-ce que t'es prêt, mon poteau? Ok, je suis prêt, je suis chaud. C'est parti. 10% des pénis en érection. Et on peut en parler. Ah. Parce que hier, je suis tombé sur Money Drop avec ma copse Laurence Boccolini. Il y a eu une question sur la taille des pénis. Ah bon ? Sur la moyenne des pénis. Et c'était drôle parce qu'il y avait marqué petit ou grand dans ce sujet. Et c'était Arié Elmaleh qui était en invité qui dit « Je pense que c'est du second degré, ça m'étonnerait qu'il parle de ce qu'on pense. » Et boum, c'était ça le sujet. Sérieux ? Ouais. Bon, bref, donc pour dire, 10% des pénis en érection ne sont pas droits, mais légèrement ou moyennement ou très tordu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et il y a Fonf qui est en train de secouer la tête, qui fait... Moi qui l'ai un peu tordu, je dirais vrai. Ne rentrons pas dans les détails. Team tordu ou alors non? Vous pensez vraiment que genre il y a des scientifiques qui viennent des fois frapper pour faire leur sondage, qui frappent aux portes avec une équerre. Bonjour, on est en train de faire une étude, mettez-vous à poil. C'est que le truc hier dans Monodrop, c'était sur la taille moyenne. Tu crois vraiment qu'il y a des scientifiques qui arrivent avec un double décimètre en disant « Excusez-moi, je vais mesurer vite fait. » Bon, c'est une bonne réponse, tu gardes tous tes cadeaux. Lionel, deuxième question. Lorsque l'on rote, décidément, voilà. J'ai l'impression que le toutou gagné, toutou perdu de ce matin est sur le signe de la classe. Le bruit émis n'est pas émis par les cordes vocales. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Ouais. En fait, c'est une partie du tube digestif située entre l'estomac et l'œsophage qui vibre. D'accord. Et c'est cette vibration qui crée le bruit. Ça me dégoûte, moi. Ouais. Alors moi, autant le prout me fait rire, autant le rototo, j'ai beaucoup de mal. Je peux vous dire un truc, j'ai un peu honte de le dire, mais il y a un truc que j'ai appris sur les femmes enceintes, c'est que quand t'étais enceinte, tu pouvais avoir des rots, genre que tu contrôles pas. Et parce que t'as des il se passe des trucs bizarres dans ton corps. Et en ce moment, ma femme qui a toujours été une princesse à ce niveau-là, je vous jure que c'est vrai, elle me réveille dans la nuit par des gros, des rots à la Homer Simpson. Je vous jure que c'est vrai. Ah, glamour à jour, glamour toujours. Fallait que j'en parle. Je suis désolé. Merci docteur. Au revoir. Troisième question pour l'instant. Tu gardes tous tes cadeaux. Ok. Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré avait une magnitude de 25,5 sur l'échelle de Richter. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux parce qu'elle ne monte pas aussi haut. Ouais, c'est bien ce qui me semblait aussi. 9,5, je crois qu'elle va jusqu'à 10, mais ça se vérifie, Elliot. Quelque chose comme ça. Le séisme de Valdivia, c'était en 1960 au Chili. On est pas mal, Lionel. Tu gardes tous tes cadeaux à l'arrivée de cette dernière question. Oui. En moyenne, un cheval boit 40 litres d'eau par jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais faux. Oh merde. C'est passé à ça. En plus, ma gonzesse, elle est dans les chevaux. Alors là, bravo. Elle va m'insulter. La gonzesse, elle va insulter. Surtout si tu l'appelles à la gonzesse, c'est pas très flatteur non plus. Bon, non, si ça boit en moyenne 40 litres d'eau. Un peu comme un gendarme, sauf que lui, il rajoute 15 litres de Ricard. Lionel, tu repars avec l'enceinte, la compile et la caméra GoPro. Ça s'applaudit quand même. Merci beaucoup, merci la famille. On t'embrasse, Lionel. Ça marche, merci. Passez une belle journée. Elliot. Oui, l'échelle de Richter va jusqu'à 10. Merci. Mais attention, 10 incompris. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 9,9. Et voilà, 10, il n'y a pas de palier, quoi. On peut pas aller à 10,1. Oui, c'est bon, ça suffit. Tu te calmes maintenant. C'est que nous, on n'est pas habitués quand tu nous donnes des infos comme ça. Donc, on est à deux droits de l'AVC à chaque fois. Je travaille avec Wikipédia. Vas-y, j'ai bien vu. The Chainsmokers arrive sur Fun Radio. Et puis, est-ce que vous avez en ce moment une chanson qui vous énerve? Vous l'entendez, vous êtes obligé de zapper. J'ai embrassé un flic. Moi, c'est ça. J'ai embrassé un flic. Toujours debout. Ouais, toujours vivant. Rassurez-vous, tout va bien. Bon, c'est vrai que je marche pas très droit, mais ça va quand même. Vous voyez bien que ma voix pète la santé. Bon, les amis, 32-28. On fait de la radio ensemble. On revient en direct sur Fun Radio. C'est vendredi, le Moule à France. Bonjour France. Salut, c'est David Guetta. This is Martin Garrix. Écoutez Fun Radio non-stop. Fun. Partez à l'Electro Beach 2016. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec Martin Garrix. Mixé avec David Guetta. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez 3 jours à Port Barcarès. À l'Electro Beach 2016. Les 14, 15 et 16 juillet. It's amazing. Je t'aime, Fun Radio. La radio officielle des plus grands DJ de la planète. C'est Fun Radio. Pour le son d'un soir. 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Ouais, mais... Ensuite, faut gonfler. Une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Pirelli 16 pouces est à 65€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016. Ils entrent sur le terrain. Plus de 80 journalistes et consultants pour vous faire vivre 100% des matchs en direct. Ils sont tous là. Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Robert Pires, Marcel Desailly en grande forme, Darren Tullet, Luis Fernandez, Christophe Jos bien sûr, et un Bruno Cheroux très motivé, sans oublier... Vivez l'intégralité de l'Euro 2016 avec tous les matchs de la France et un dispositif exceptionnel 24h sur 24. Seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. En regroupant mes crédits conso, ma banque m'a aidée à équilibrer la gestion de mon budget. Maintenant, je fais du yoga. Ça me relaxe. C'est génial. Et je me suis mise aussi au tai chi. Ok. Et pour un équilibre parfait... Oh, je sais, t'as un maître Shaolin. Mais non, j'ai vu mon conseiller de la banque postale. Avec lui, j'ai regroupé mes crédits conso et j'ai trouvé un nouvel équilibre pour gérer mon budget. Ah ben ça, c'est super. Jusqu'au 25 juin 2016, regroupez vos crédits conso à la banque postale et profitez d'un bon taux sur votre regroupement de crédit. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La banque postale. Banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la banque postale financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La banque postale intermédiaire de crédit du prêteur. Pendant l'Euro, il y aura 552 footballeurs et ils joueront tous dans la même équipe. Cette équipe sera partout. Dans votre kiosque, sur votre bureau et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe. Partageons le sport. Et ne manquez pas notre guide spécial Euro 2016. Le journal, plus le magazine, plus le guide de l'Euro l'équipe, c'est demain. Géant, c'est le mois bien fait pour vous chez Géant. Ce week-end, profitez d'une offre exclusive. Jusqu'à 30% de remise en bon d'achat sur une large sélection de télévisions. Géant pour regarder les matchs de foot de l'été ou sa série préférée. C'est ce week-end seulement et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur tout le magasin du 6 au 12 juin. Voir conditions en magasin. Bruno. Bruno dans la radio. 6h23, la France se sépare en deux groupes. D'un côté, il y a ceux qui sont en ce moment dans la galère, parce qu'ils sont en train de préparer un grand événement, un examen ou autre, et qu'ils essayent de répéter dans leur coin le nom des gens qui vont les accompagner. Morgane. Schenderlein. De l'autre, il y a des gens qui n'ont rien à foutre parce que c'est vendredi, qui sont en détente, qui sont devant Fun Radio et qui savent qu'ils vont passer une matinée de kiff, notamment grâce au son de Fun. Et le son de Fun, c'est le nouveau Chainsmokers. Chiffre du jour, ça arrive sur Fun Radio, ce sera tout à l'heure, 6h30, dans 10 minutes, donc chiffre du jour. On apprend que 30% d'entre vous ont plus envie de faire quelque chose de le vendredi. Il y a un truc la semaine où on y pense, mais sans plus, mais le vendredi, on a très envie de le faire. Bah c'est boire des coups, c'est se bourrer la tête. J'aurais dit ça moi bah aussi. Ouais, moi j'aurais aussi. Dit l'apéro du vendredi. Après c'est vrai que l'apéro du jeudi, l'apéro du mercredi, du mardi, ils sont bien aussi. C'est vrai aussi, mais hey, 32-28, on en parle dans le chiffre du jour, le truc que vous avez plus envie de faire le vendredi. C'est vrai que l'apéro du lundi est pas mal aussi. Je embrasse. Hein, voilà, on a des chansons, c'est par période, qui peuvent énerver. Moi en ce moment, celle-ci, c'est le top. Bonjour Yvan, j'ai embrassé un flic. Bon, mais j'aime beaucoup le personnage, mais voilà. Ouais, mais là, c'est compliqué quand même. T'as un truc en ce moment qui t'énerve ? Moi, alors, ça date de quelques mois. C'est. Alors, je crois que ça se dit Charlie Puss. Quoi ? Oui, parce qu'elle est arrivée tout à l'heure. Charlie moi... Pute. Ouais, Charlie Pute, ça fait moyen. Ah, c'était bien ça pour toi. J'ai horreur de cette chanson. Mais genre, dès que je l'entends, je suis énervée. Ah ouais ? Mais vraiment, ça me rend ouf. Parce que c'est nul. Mais c'est mignon. Et il y a Meghan Trainor dessus. Moi j'aimais bien celle-ci. Oh, c'est mou du genou. C'est Charlie Pute, hein, elle est comme ça. Cyril, il a 16 ans, il est à Châteauroux. Salut Cyril. Salut Bruno, salut la famille. Salut. C'est quoi toi la chanson là, qui t'a énervé ces derniers temps? Moi c'est Adèle Hello. Elle est tellement molle et tout là. C'est... Je suis partagée moi sur celle-ci parce qu'elle a quand même une voix de ouf cette meuf. La meuf elle est en dépression, faut qu'elle prenne des cachets qu'elle nous fout la paix. Enfin des cachets, genre des médicaments. Hein, pas, oui. Voilà. Mais c'est vrai que t'as envie d'écouter cette chanson quand tu viens de rompre et que tout va mal dans ta vie quoi. Non, t'as pas envie de l'écouter quand tu viens de rompre, mais elle passe quand tu viens de rompre. Cyril, je peux comprendre ton délire, je t'embrasse, va chier. Alors moi c'est la dernière de Christophe Maé qui passe putain. Sur TF1. Oh, il est où le bonheur ? Il est où ? Pire que Renaud. Ça m'a fait mal au compte, merde. Je me suis énervé tout seul. Il est où, il est déguisé en papy là. C'est mal fait là. Son vieux costume à 10 balles qu'il a acheté chez Lidl. Mais en dégage plus, quoi. Derrière t'as envie de dire dans ton cul. Il est où le bonheur? Il est où? Dans ton cul. Il est dans ton cul. Il est où le bonheur? Ah, je supporte pas. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Oui, bien sûr. Je sais pas qui lui a appris la musique à ce mec-là, mais j'ai envie de lui casser la gueule. Émilie et Amiens, bonjour Émilie. Bonjour la famille. C'est bonjour. Quoi toi? C'est quoi toi? Alors moi, c'est la chanson avec les gosses, là, Kids United. Ouais. Oh, bien joué Émilie. Puis c'est glauque qu'on écrit sur les murs à l'angle de Noven, quoi. C'est chelou pour des gosses. Mais ça suffit. Vous savez quoi? Et on va faire un point sur les infos. Le chiffre du jour, vous m'avez énervé. Allez, à tout de suite. Tu me trouves changé, hein? Je ne suis plus seul. Tu t'es marié? Mais non, je suis connecté à la Matmut et ses applis. Avec ton mobile? Ça, c'est fort. Et tu peux faire quoi avec? Des devis, c'est possible pour les hyper connectés Matmut. Pour les autres assurés Matmut aussi. Ça, c'est sûr, la Matmut, elle assure. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016. Ils entrent sur le terrain. Plus de 80 journalistes et consultants pour vous faire vivre 100% des matchs en direct. Ils sont tous là. Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Robert Pires, Marcel Desailly en grande forme, Darren Tulette, Luis Fernandez, Christophe Jos, bien sûr, et un Bruno Chéroux très motivé, sans oublier... Vivez l'intégralité de l'Euro 2016 avec tous les matchs de la France et un dispositif exceptionnel 24 heures sur 24, seulement sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien quand on conduit Citroën C4 avec kit main libre Bluetooth et 7 ans d'assistance offerts. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, Citroën C4 Vitamine est à partir de seulement 13 990 euros. Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire? Ah ouais, mais ça j'ai pas. Oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins? Des voisins? Oui, les voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com? C'est très utile, un voisin. Kia. Voilà, les premières surprises de l'Euro entrent en jeu. Oui, ce sont les séries limitées Kia UEFA Euro 2016 suréquipées. Ah, quelle allure avec leur jante alliage. Oh, le public s'enflamme. Climatisation automatique, navigation avec caméra de recul, Bluetooth. Oh, les séries limitées Kia Euro 2016 font un gros pressing sur les prix. Et avec la garantie 7 ans Kia, les adversaires sont débordés. Découvrez-les vite chez votre concessionnaire Kia. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Conditions des offres et de garantie sur kia.com. Hashtag Bruno Fun Radio, c'est le passage obligé ce matin si vous voulez rencontrer David Guetta, assister à son show d'ouverture pour l'Euro 2016 de foot et puis surtout assister également au match France-Roumanie. Ça va se passer le 10 juin au Stade de France. Vous voulez gagner ça? C'est le hashtag Bruno Fun Radio sur Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son. Dance. Flow. Le point sur l'actu de ce vendredi, aujourd'hui nous sommes le 3 juin, c'est Justine Salmon pour les infos, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bon réveil, on démarre avec la météo et ce sera un peu plus calme aujourd'hui. Un ciel couvert mais moins de pluie, sauf sur le quart nord-est qui aura des averses, des éclaircies quand même dans le sud, sur la pointe bretonne et sur la pointe bretonne et normande, pardon. La Seine-et-Marne est toujours en vigilance rouge mais l'eau commence à se retirer. On a 12 départements en vigilance orange en Île-de-France et sur une grande partie du centre-Val de Loire. Les températures de 9 à 14 degrés ce matin. On attend cet après-midi 16 à Dunkerque. Il fera 17 à Paris, 21 à Lyon et 23 degrés à Bordeaux. Et si on regarde le week-end, encore un peu agité demain, ce sera bien mieux à partir de dimanche. Le niveau de la Seine continue de monter. Le pic devrait être atteint à la mi-journée. On nous annonce jusqu'à 6 mètres. Le RERC ne circule plus. À noter aussi la fermeture des musées du Louvre et d'Orsay par mesure de précaution. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début des intempéries. 20 000 personnes également privées d'électricité. Et la 10 est toujours coupée entre Paris et Orléans. À côté de ça, la mobilisation contre la loi travail continue. Quelques perturbations à la SNCF. On nous prévoit 2 TGV sur 3, la moitié des TER et un tiers des intercités. Normalement, pas de perturbations dans les aéroports. Et hier, il y a encore eu des manifestations à Brest, à Rouen, à Grenoble, mais aussi à Toulouse. Et encore des violences en marge de certains cortèges, notamment à Nantes et à Rennes. À Roland-Garros, programme chargé ce vendredi. On a 4 demi-finales au programme. Novak Djokovic contre Dimitri Thiem. Et le tenant du titre, Stan Wawrinka, sera face à Andy Murray. Et chez les filles, la tenante du titre, Serena Williams, jouera contre Kiki Bertens. Et Samantha Stosur sera opposée à Gargabin Muguruza. Enfin, demain soir du foot, dernier match de préparation pour les Bleus avant l'Euro. Ça se jouera à Metz contre l'Écosse. Il est 6h34. Bon réveil. Bruno. 6h-9h. Bon réveil la famille, vendredi c'est le 3 juin, c'est Fun Radio et Zara Larsson. Lush Life là, qui va arriver dans 5 minutes. Don't be so shy, Imani, aux alentours de moins le quart. Et Emily Ratajkowski. Je pense à elle. Ah, elle chante pas. Non, mais elle est dans le clip de Blurred Lines. Je vous ressors ça avant 7h du matin, ça fait longtemps. Robin Thicke et Pharrell, ça va arriver là sur Fun. Pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Ouais, le chiffre de ce vendredi 3 juin. Je vous ai demandé là de m'appeler au 3228 parce que aujourd'hui, vendredi, comme tous les vendredis, eh ben, on apprend que 30% d'entre nous ont plus envie de faire quelque chose que les autres jours de la semaine. Et la question que je vous posais, c'est d'après vous, c'est quoi ? Nous, on était de la team apéro. Ouais. C'est ce qu'on a dit il y a 5 minutes. Bah ouais, c'est ce que dit également Johanna, qui est à Grenoble. Elle est de la team apéro aussi. Bonjour Johanna. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Bonjour Johanna. Apéro du vendredi, on est d'accord, c'est la vie. Obligatoire. Mais bien sûr. Obligatoire. Il n'y a pas de vendredi sans apéro. Il n'y a pas d'apéro sans vendredi. Mais oui. La team Spritz, la team Mojito, ouais. Bien oui. Sûr. Olive. C'est ça. Bien sûr. Rosé pamplemousse, tout va bien. Est-ce que vous le faites l'apéro du vendredi, genre qui commence un peu plus tôt, parce que c'est vendredi, donc on le commence vers 18h, 18h30 et on le termine à 6h du matin oui. Le lendemain. Oui. Ça, c'est un bon apéro en général. Ouais, moi, je suis de la team apéro jus de citron Perrier. Donc, oh là, ouais. Bah, si tu fais une soirée, tu nous invites pas. Et je vais en faire une bientôt, je vais vous inviter. Mais il y aura de l'alcool pour les amis. Ah, cool. Bruno, c'en est où le régime de seconde ? Parce que t'étais à 80 et à moins de 85, mais on sait plus trop. Je suis là, toujours pareil, je suis à 83, entre 82,8 et 83,2, je crois. Ouais. C'est bien. Je suis à moins de 18 kilos, ça bouge plus. Et toi, Elliot, on en parle ou on enchaîne ? Non, on peut en parler. Je suis à 98. C'est que là, on a le hashtag Bruno Fun Radio, donc du coup, on va pas en parler encore ce matin parce qu'il y a David Guetta à gagner aujourd'hui, mais on aura le juste poids qui va revenir très vite. Hein, bien sûr. Mais je continue à faire attention. Mais surtout, là, il y a Fort Boyard lundi, alors j'ai fait attention cette semaine, je fais du sport et tout. D'accord, très bien. Enchaînons. Johanna, je te fais des bisous, ma belle. Antoine, on est 30% d'entre nous à faire un truc, ou plutôt à avoir envie de faire un truc plus le vendredi que les autres jours. D'après toi, c'est quoi ? Bonjour Antoine. Bonjour Samy, bonjour Bruno. Moi, c'est un bon bain qui détend, tu vois. Ah, genre le bain pour finir la semaine. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Histoire, ouais. Moi j'aime bien, alors moi je suis de la team bain. Un bain par semaine j'adore, mais moi mon bain c'est le dimanche soir. Moi. Ah ouais? Moi ah. C'est mon rituel du dimanche soir, justement finir la semaine, bien attaquer le lundi, avec plein de trucs à la con là que t'achètes chez Sephora, des bulles qui sentent bon quand elles fondent, ah ouais, des trucs effervescents, des sels de bain, ça mélange les odeurs, je pue la mort quand je sors, mais ah j'aime ouais. beaucoup ça. Moi ce qui me saoule dans le bain, c'est que j'ai l'impression que quand tu le fais couler, tu peux pas rentrer parce qu'il est trop brûlant. Après, t'arrives à rentrer dedans et deux minutes après, il est déjà tiède. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, il faut gérer, il faut remettre un peu d'eau chaude toutes les 10 minutes, c'est un délire. Je connais pas la mais il faut venir dans ma team. Moi, je prends mon pommeau de douche, je chauffe ma baignoire, les contours, je me mets dedans et je laisse l'eau couler avec un tout petit filet, ce qui coule sur mes pieds, et je laisse remplir. Et mon kiff, c'est que ça se remplisse. Et une fois que c'est rempli, ça m'énerve. Bon, c'est vrai, par contre, elle est remplie en deux minutes. Hein, ça, c'est l'avantage. Ah non, je mets un tout petit filet, genre. C'est le principe de la poussée d'Archimède. Il prend déjà beaucoup de place dans le truc. J'avais pas compris. Antoine, non, c'est pas le bain le soir. Mais je pensais que vous m'auriez donné cette réponse. Moi. C'est pas juste prendre soin de soi, se faire joli. Mais non, pas du tout. Non. Ah, mais c'est sortir, c'est danser. Ah oui, c'est ça. Aller choper les meufs. Putain, mais vous êtes teubé. Ah, ben choper les meufs, oui. Ah. 30%. C'est le chiffre du jour. 30% d'entre nous ont plus envie de faire l'amour le vendredi que les autres jours de la semaine. Bah bien sûr, t'as plus de temps, t'as plus envie. Libido différente, est-ce que ça concerne des gens dans l'équipe? Meryl, tiens, du web, est-ce que t'as plus envie de faire l'amour le vendredi que les autres jours? Bah non, moi c'est tout le temps. Ah. Je peux vous dire qu'elle s'est... Elle s'est épanouie, hein, la demoiselle. Elle est arrivée dans l'équipe au mois de septembre. Coincée, et là, aujourd'hui, tu sais quoi? On part à Ibiza, là, faire la fin de saison avec toute l'équipe de Fun Radio. Et ben, j'ai un problème sur ce cas-là. Hein, vraiment. Ah ouais, je sais pas comment on va faire. Sur certaines meufs, on dit, il y a que le train qui est pas passé dessus. Meryl, elle a donné le sourire à un TGV. Elle me l'a dit. Vous écoutez Fun Radio, c'est Zara Larsson. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing so bright, so colored. On Instagram, I don't like no other. So baby, why you don't write, don't holler. Let's have a short and get loose, get wavy. Cause we ain't sipping on the juice that they be. Get your warmers in my ruche. Party with my troops, switch the Rari to the coupe. Any mansion, we can party on my roof. Yo, when it's a new year, up 90. New spring, summer, new money. New car, quick. Said she went clever in her class. First time she got a star. And now she wanna ask somebody. And I just smashed the record with my seventh number one. I was praying for a time when I thought it would never come. And now I'm like no other. I'm sitting pretty high with my stone cold stunner. Yeah. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Now I found another crush. A lush life giving me a rush. Had one chance to make me blush. Second time is one to let. Now I found

and work's my excuse, but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Radio. 6h-9h sur Fun Radio. 6h48, bon réveil la famille. Le vendredi, c'est... Oh putain, c'est vendredi. Oh putain, c'est vendredi. Et on a une époque, on a lancé ça à une époque, c'est le petit bootleg du vendredi. Oui. Pour ce matin, j'en ai un guet, enfin je préfère vous prévenir. On le mettra entre 7h et 8h. Il y a quoi dedans? C'est un medley de dingue. Dedans, il y a Justin Timberlake. Ouais. Il y a un vieux son des Spice Girls. D'accord. Ouais. Et il y a Adele. Ouais. Oh. Ah bon? Ouais, il y en a je vous fais un petit extrait. Oui, non, il y en a d'autres. Je vous donne les trois là que vous allez écouter. Là, t'as The Weeknd dessus. Hop. Ah, c'est cool. Attends, mais j'avance. Ouais, ça va être le petit kiff du vendredi. On va faire ça là tout à l'heure sur Fun Radio. Emilia Ratajkowski, quoi. C'est grâce à ce clip qu'on l'a découverte, la Miss. Oui, oui, oui. Elle a fait tellement de choses depuis, en plus. Seins nus. Moi, je la suis sur Instagram. Pouf, pouf, c'est compliqué. Et donc, c'est quoi sa carrière, alors? Sa carrière, c'est ses seins. Ah ouais, voilà. C'est ça, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on connaît à part ses seins? C'est ça. Moi, je connais un peu autre chose, parce que je me suis dit, je vais pas rester un homme de base, je me suis intéressé aussi à son cul. Et il y a aussi pas mal à étudier. Ouais. Mais elle faisait partie des nanas avec les photos de Huck qu'on liquait. Sur internet, on la voit à poil. La vérité, c'est que je me suis rendu compte qu'elle avait une tête, mais longtemps après. J'ai pas fait gaffe tout de suite. Bon, les amis, nous avons lancé, il y a de cela quelques semaines, le moment love. Le moment love, qu'est-ce que c'est? Ce sont des histoires d'amour un peu originales. Des histoires que l'on pourrait raconter dans un film. Et même en la voyant dans un film, cette histoire, on dirait, dis donc, ils ont poussé un peu les scénaristes là, ils nous prendraient pas pour des cons. Bonjour Jean, rebonjour. Salut la famille, salut Bruno. Jean, t'as 35 ans et tu habites à Toulouse. C'est ça. Elle s'appelle comment? Sabrina. Elle s'appelle Sabrina, elle a quel âge Sabrina? Eh bien, elle a 36 ans. 36 ans. Est-ce que tu peux nous parler de Sabrina? Ça fait bien combien sûr. De temps que vous êtes ensemble? Et ça va faire... ça a fait 16 ans le 11 avril et ça fera 11 ans de mariage le 18 juin. Donc on est sur de la grosse histoire d'amour. Ça veut dire que vous vous êtes rencontrés quand toi tu avais 20 ans et elle 21, c'est ça? C'est ça à peu près, c'est ça. Et alors, j'aimerais que tu expliques aux auditeurs de Fun Radio la rencontre. Comment vous vous êtes rencontrés? Mais Sabrina est coiffeuse. Et moi, je suis un passionné de roller, de tout ce qui roule, on va dire. Ouais. Et donc, j'étais en train de faire du roller. Le feu, je vois un petit peu qui passe vite fait au rouge. Je dis, j'ai le temps de passer, je traverse. Et bam, Sabrina qui me renverse en voiture. Et donc là, il se passe quoi? Elle sort de sa voiture. Désolé, qu'est-ce que ça va? On appelle les pompiers. J'ai dit, non, ça va. J'ai juste un peu mal au genou. On va aller boire un petit café, ça va aller mieux. Et on a bu un café et ça fait 16 ans. C'est énorme. Ah, j'adore. Alors attention, cette technique ne marche pas pour tout le monde. Si vous êtes en voiture et que vous êtes célibataire, n'essayez pas de renverser une meuf en vous disant je vais la pécho. Non mais tu vois, c'est un déclic du destin. À cette époque-là, t'étais célibataire réel aussi ou pas du tout? Carrément, carrément. D'accord, bon, bah, vous étiez fait pour vous rencontrer. C'est ce qu'on génial. Appelle un vrai coup de foudre. Wow. J'adore l'idée. C'est ça. Bon, et c'est ça, marié, deux enfants, ma petite fille qui a 10 ans, mon fils qui a 5 ans, et voilà. Et ben bisous à toute la famille, c'est une belle histoire. Je t'embrasse, Jean. Et ben bisous à toute la famille, on vous écoute tous les jours et vous faites plaisir, vous faites chaud au cœur. Continuez comme ça. Et ben ça fait merci. Plaisir de t'avoir eu. Oh, elle est belle cette histoire. Ouais, grave. J'adore ce genre de plan. Ah, c'est génial. Faut juste que le choc soit pas trop violent, quoi. On va boire un café. Ouais, je vais ramasser vos jambes d'abord. On va y aller après. Dans 7 minutes, 7h du matin, vous écoutez Fun Radio. Soyez les bienvenus. C'est la famille là tous les jours. Et Robin Thicke, Pharrell Williams. Pharrell Williams with Bruno on Fun Radio. Merci mon petit Pharrell, on est là, il est là avec son chapeau, on est tous dans le chapeau de Pharrell. 6h57, c'est Fun Radio, bon réveil dans 3 minutes, donc bah, il sera 7h, logiquement. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Faux journal de l'émission, c'est le journal pas en image, première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, Euro 2016, la photo officielle de l'équipe de France pour l'Euro a été prise et publiée hier. Et bonne nouvelle, aucun joueur ne s'est blessé en prenant la pause. Catastrophe, l'état de catastrophe naturelle va être reconnu dès mercredi. Dans le Loiret ? Oui, dans les cheveux de Zaz aussi. Une étude révèle que les accidents domestiques, surtout en cuisine, tuent plus que les accidents de la route. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bah, qu'est-ce qui se passe, Anthony ? Vous venez de subir un accident domestique en cuisine, c'est ça ? Oui ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avec quoi ? Une casserole bouillante ? Non, non ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, un couteau tranchant, je sais pas. Non ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Avec quoi, alors ? Avec un concombre ! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai retiré. Très vite, très très vite la suite. Et pour finir, si vous aimez les animatrices de Canal Plus et les glaces, découvrez Maïtena, Biraben and Jerry's. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors à tout à l'heure. Dans 3 minutes, le Vacher Time sur Fun Radio. Si vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Et ce matin, tu as utilisé la voix de Siri, le logiciel de Apple. Exactement, c'est la voix de Siri qui a appelé Zalando. Ah, le site pour réserver des chaussures. C'est ça. Vous allez voir, il y a un petit problème. Je veux savoir la référence du produit sous les photos. Vous avez dit, ma grande préférence aujourd'hui s'essouffle, les poteaux. Non, sous, comme vous avez sur ou sous. Dans ce cas, écoutons le chanteur souffle. Mi amor. Por favor. Mi amor. Vous allez voir, il est exceptionnel. Il a fait passer pour une droguée à un moment. On à pleurait de rire dans le bureau. Bailard, les euros, ça arrive en direct sur Fun Radio. Et puis à 7h10, je vais payer la facture. Vous restez là, hein ? Cher et bel et bien chez Intermarché. Eh oui, vous les jouez en faisant vos courses. Il y a des millions de cadeaux à gagner. Et pour un produit acheté, le deuxième est gratuit. Eh oui, le deuxième est gratuit. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Règlement du jeu modalité. Magasin participant sur intermarché.com du 31 mai au 5 juin. Tiens, la fashionista, le prospectus but. Oh, la nouvelle collection, merci mon chéri. Toi qui l'aime porter, que lui top tendance. J'aime quand tu me parles comme ça, Pierre. Le top tendance du canapé, de la déco, du salon, ça va t'aller comme un gant. La nouvelle collection est arrivée chez But. En ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Bonjour patron. Bonjour. Dites donc, c'est à cette heure-ci qu'on arrive ? Mais enfin Berthier, mais de quoi je me mêle ? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. On est à l'aise en toutes circonstances quand on conduit Citroën C4 Picasso avec vision 360 et 7 ans d'assistance offert. Dépêchez-vous, pendant les jours plus, profitez d'une reprise Argus plus 5 500 € sur Citroën C4 Picasso. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin pour l'achat d'un Citroën C4 Picasso AMB 7 ou intérieur 9 dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Carrefour, à vos côtés avec les Bleus. Tristan, on a tout pour les matchs des Bleus. La télécommande, ok, le canapé, ok, le frigo. Oh, faute, il n'y a plus de coca. Je m'en charge. Jusqu'au 6 juin, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bouteilles de Coca-Cola. Bien joué. Tu sais, le plus important dans un match, c'est la préparation. Jusqu'au 6 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme le pack de bouteilles de Coca-Cola. 8,5 litres, standard ou zéro, modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Grâce au prêt à consommer du Crédit Agricole à taux spécial Euro 2016, financez vos nouveaux équipements pour vivre la compétition à domicile. Ah bah voilà, c'est l'occasion de reparler du canapé. On avait dit la télé avant. Une belle télé, si on est mal assis, je vois pas l'intérêt. C'est pas faux. Télévision, meubles, déco, avec le Crédit Agricole, découvrez les prêts à consommer pour vivre l'UEFA Euro 2016 à domicile. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'acceptation par votre caisse régionale participante et prêteur, voire conditions et limites au contrat, vous disposez d'un délai de rétractation. Don't move. Ce matin, vous gagnez votre rencontre avec David Guetta à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016 de foot. Vous serez au Stade de France, vous allez voir David Guetta mixer, vous allez rencontrer David à l'issue de son mix et puis vous allez assister au match. Vous voulez gagner un seul passage. Hashtag Bruno Fun Radio, vous balancez des messages sur Twitter ou sur Instagram et grâce à ce hashtag, vous pourrez peut-être gagner vos places tout à l'heure à 9h15. Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 3 juin. Justine Salmon pour les infos. Salut Juju. Salut mon Bruno. Est-ce qu'on commence à parler de décrue un peu là avec la météo ? Bah oui, dans la météo forcément très importante en ce moment. C'est un peu plus calme aujourd'hui. Ça restera couvert, mais on nous annonce moins de pluie, sauf sur le quart nord-est. Et il va y avoir des éclaircies dans le sud, sur la pointe bretonne et sur la pointe normande. Attention, la Seine-et-Marne reste en vigilance rouge. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'eau se retire petit à petit. 12 départements sont en vigilance orange en Île-de-France et sur une grande partie du centre-Val de Loire. Les températures, ça va de 9 à 14 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 17 à Paris. Il fera 19 degrés à Mulhouse, 21 à Niort et 24 à Narbonne. Et puis un petit coup d'œil sur notre week-end, encore un peu agité demain. Ce sera mieux dimanche et encore mieux la semaine prochaine. 20 000, c'est le nombre de personnes évacuées depuis le début des inondations. 20 000, c'est aussi le nombre de foyers privés d'électricité. Vers Paris, la crue se déplace et la Seine continue de monter. Le pic pourrait être atteint à la mi-journée avec 6 mètres d'eau. Le RERC ne circule plus dans Paris jusqu'à lundi. Le musée du Louvre et le musée d'Orsay seront également fermés par précaution. Et puis la grève se poursuit à la SNCF. On a 2 TGV sur 3 en circulation, la moitié des TER et un tiers des intercités. L'autopsie a parlé, le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de médicaments, le fentanyl, un antidouleur 50 fois plus puissant que l'héroïne. L'artiste de 57 ans est décédé brutalement le 21 avril dernier. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons. Les stocks sont trop bas la veille de l'été, ils ont besoin d'être reconstitués. Sachez que les donneurs doivent être âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kilos. Près d'un million de malades sont soignés chaque année grâce aux dons du sang. Et puis à Roland-Garros aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Chez les hommes, ça va jouer entre Djokovic et Thiem. Et en face, Stan Wawrinka jouera contre Andy Murray. Il est 7h04, c'est Bruno dans la radio. Fun Radio. 7h04, c'est vendredi, vous écoutez Fun Radio, nous sommes le 3 juin, bonjour! Bonjour! Oh putain, c'est vendredi! Oui les amis, et on vous a prévu un vendredi de fou, je préfère vous dire honnêtement, déjà pour le son de Fun Radio, restez ici avant 7h30, j'ai le nec plus ultra de la crème du medley, voilà, on l'a là, on l'a. Là, parce que... Le vendredi, c'est le jour du medley, c'est le jour du bootleg. Ouais. Là, bon, il y a The Weeknd, d'accord, Weeknd. Hop. Justin Timberlake, c'est pareil, c'est sur le même morceau. Si j'avance un peu, il y a les Spice Girls. Il y a que fun, c'est l'esprit fun du vendredi, ça. Ça arrivera avant la nuit. Il y a des euros également qui s'annoncent. 7h10, je vais payer de la facture. Facturatefunradio.fr, si vous vous êtes inscrit, bah, il y a des chances qu'on débarque chez vous, les amis. Vous savez comment ça se passe. Christina est là ce matin. Bonjour. Il y a le seul, l'unique, celui que la terre entière nous envie, Vaché. Bonjour. J'ai l'impression que t'exagères un poil. Ce qui est énorme, c'est qu'Eliott qui vit cette émission applaudit, c'est en mode oh putain, bravo, c'est génial. Moi j'aime bien. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre que la terre nous envie dans cette équipe, c'est Bruno. Bravo. Les gens qui se lancent des fleurs, j'adore ce nom. Et il y a aussi toi, t'inquiète mec, on t'a pas oublié, Christina. Voilà. Et il y a surtout David Guetta. Et lui, je peux vous dire que le monde entier nous l'envie. Et moi, David Guetta ouvrira l'Euro. Ce sera le maître de cérémonie de l'Euro 2016. Ils m'ont oublié. Et avec l'UEFA, David Guetta a décidé de vous faire un cadeau à vous, auditeurs de Fun Radio. Venir assister à la cérémonie d'ouverture. Tant pis. Et il y aura vous. Il y aura Didier Deschamps. Il y aura votre rencontre. Il y aura le match de foot. Il y aura... Morgane. Chenderlein. Oui, ils seront tous là. Vous voulez gagner ce cadeau et donc assister également au match France-Roumanie, hein, c'est le match d'ouverture. Eh bien, il suffit d'envoyer un message avec le hashtag Bruno Fun Radio. On va choisir parmi tous les messages qu'on reçoit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, on va choisir un message, d'accord. Et tout à l'heure, à 9h15, eh ben, on fera gagner une personne en direct. Donc, il y a la cérémonie d'ouverture, vous dansez avec David Guetta, ensuite vous rencontrez David Guetta, ensuite vous vous faites le match de foot. C'est une belle soirée qu'on vous propose. Hashtag Bruno Fun Radio. Et je vous rappelle que peu importe d'où vous venez en France, on vous paye tout, le voyage, l'hôtel, tout. Quoi que tu fasses, tu gagnes. Voilà. Où que tu viennes, tu files, il n'y a pas de problème. C'est hashtag Bruno Fun Radio. Fun. Le Siri Time. Le Siri Time. It's Siri Time. Oh ouais. Les amis, vous avez un téléphone. Vous pouvez être la victime de Vacher et la victime de Siri. Parce que de temps en temps, j'utilise le logiciel de l'iPhone, Siri, donc qui est la voix à qui on peut demander des trucs, genre hey, quel temps il fait à Mexico, par exemple. Et le problème, on s'en fout en même temps, vous me direz. Mais le problème de Siri, c'est que quand on lui pose une question, souvent, il comprend un peu de travers. Toujours. Et là, Siri, il a essayé d'appeler Zalando. Zalando, c'est un magasin qui vend des chaussures. Ouais, en ligne. Et là, vous allez voir, bon, bah, ils se sont pas très très bien compris avec la vendeuse. Non. Bienvenue chez Zalando. Nous allons prendre votre... Zalando France, bonjour, Marlène Kupcher pour vous. Bonjour, je voudrais des informations sur des godasses. Oui. Allez au pop-up, renseigne-moi vite. D'accord, mais est-ce que vous auriez la référence des chaussures? Vous avez dit, d'accord, mais est-ce que vous auriez l'obligeance de me raconter vos blessures? Des blessures? Je comprends pas ce que vous me dites là. Mes blessures sont surtout des histoires de cœur. Je suis sorti pendant 2 ans avec une chèvre des Pyrénées. Elle s'appelait Colombine, et comme on dit, Colombine, elle aime la pine. Non. Mais elle m'a quitté pour un connard de lama. Non, j'ai jamais parlé de blessure. Je veux savoir la référence du produit sous les photos. Vous avez dit, ma grande préférence aujourd'hui s'essouffle, les poteaux. Non, sous, comme vous avez sur ou sous. Dans ce cas, écoutons le chanteur souffle. Mi amor, por favor, mi amor. Non, de musique, je vous parle de référence de produits. Il n'y a rien à voir avec la musique. Pardon. Quelles informations vous souhaitez sur quels articles du site? Vous avez dit, quelles informations vous souhaitez car je vends des articles comme du shit. Mais je ne dis pas shit, je dis site, un site internet. D'où Jésus, Zalando vend du shit. Mais c'est pas du shit que je vous dis, c'est un site. Ce qui explique pourquoi on ne se comprend pas. Vous êtes sous l'emprise de marijuana. Oh là là là là là là là là là. Je ne suis pas une droguée, je sais. Je toi qui es défoncé, tu devrais aimer ce son. Non, je ne suis pas défoncé. Non, je ne suis pas défoncé. C'est n'importe quoi. J'adore. Et vous pouvez le réécouter n'importe quand, quand vous voulez. Il y a 2-3 drogués quand même qui vont se contacter, qui vont se connecter sur Zalando en disant on sait jamais. Peut-être. Hein. Sur un malentendu, oui, ça peut marcher. Deoro Bailar, c'est tout de suite, c'est sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡A la cosa! ¡Vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Y yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no vulgar. Est-ce que vous avez déjà vécu en colocation? Tiens, je voudrais parler de ça ce matin sur Fun Radio. Pendant des années, j'ai eu plein de colocs différents, mais j'ai adoré, c'était des super années. C'était pas trop le bordel. Je me souviens, dans les débuts où on s'est connus, je te parle de ça, il y a quoi, il y a une dizaine d'années, ouais. Un peu moins, un chouille moins. À peu près. J'avais fait une teuf chez toi où justement c'était en coloc, je me souviens de cet appartement. Un peu le bordel parce que c'est vrai que quand tu partages à trois un appartement, bah forcément tu fais des teufs le week-end. Donc oui, c'est un peu le bordel, mais tu t'en fous parce que t'es jeune et que tu fais la teuf, quoi. Moi j'ai une question, quand tu vis avec ta femme mais que ça fait un mois que t'as rien fait au lit, on peut dire que c'est de la colocation? Oui, oui, oui. Ok, je peux participer. Non, je suis tombé sur un article en fait qui a compilé des témoignages de gens qui ont fait des colocs. Et donc il y a des témoignages de ouf. Là il y a une nana qui dit: j'ai eu un colocataire qui se cachait dans le jardin pour me regarder à travers la fenêtre de ma chambre. Mais non. Pendant que je prenais mon bain. Ah bah c'est le danger. Alors faire de la coloc c'est cool, mais effectivement tu peux tomber sur des gens un peu chelous. Moi j'ai eu un coloc un peu chelou, hein. Il faisait quoi? Je l'adorais, mais il faisait des trucs un peu bizarres. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pendant 3 jours, il sortait pas de sa chambre. Pendant 3 jours. Mais il allait même pas aux toilettes, quoi. Donc, Il était mort, peut-être. Ben non, c'est pas ce qu'il faisait. Genre, il s'endormait pendant 3 jours. Quoi. Oui, Elliot. Et c'est pas lui qui prenait sa baignoire pour des toilettes? Alors, on peut pas raconter ça. Je sais pas, j'espère qu'il écoute pas. Et tu m'étonnes, après 3 jours, il fallait un gros récipient. Non, il y avait un truc bizarre, c'est que quand on passait derrière lui dans la salle de bain, ça sentait une odeur pas très agréable. Et donc, mais il y a pas de toilette dans la salle de bain. Ah. Donc, mais je. Mais, par contre, il se douchait dans les chiottes. C'est très sympa. Mais il y en a d'autres, là, des témoignages, voilà, de colocs. Mec qui dit: voilà, mon coloc ne s'est pas brossé les dents une seule fois en 6 semaines. Oh. Et il urinait dans des canettes pendant la nuit et il les laissait dans sa chambre. Ah, mais quelle horreur. Ouais, parce qu'encore, moi, j'ai choisi mes colocs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est tellement cher, ouais. Les apparts, notamment dans les grandes villes. Bien sûr. Qu'il y a beaucoup de gens qui font de la coloc avec des gens qu'ils connaissent pas. Il y a l'argent aussi qui peut poser problème. Il y a un mec qui dit: moi, mon coloc a jamais payé son loyer. Il a feint 3 cambriolages par effraction et ensuite disparu après avoir chié partout dans le canapé. Mais non. Oh non. Il y a que des histoires de caca, quoi. Ils sont tarés, les gars. Je reviens sur le truc de fouillage. En même temps, tu tombes sur une nana un peu bonasse. Moi, c'est sûr que je vais fouiller. Hein. C'est une de mes passions. Oh non, il y a que moi. Non, mais soyez honnête. Genre, vous avez pas toujours rêvé de faire du babysitting pour fouiller dans les tiroirs, genre du babysitting? Qui fait pas du babysitting? Arrête. Moi, j'ai jamais fait de babysitting quand j'étais gamin. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire, t'allais garder les enfants des gens pour aller fouiller chez eux? Non, mais moi, je l'ai jamais fait. Mais genre, je me suis dit, dans un, tu sais, quand j'étais un peu fantasmeur à 13, 14 ans, ouais. Je me suis dit, ouais, jamais. Si ça se trouve, j'irais fouiller dans les tiroirs de la mer. Vous savez quoi? 32-28. J'aimerais que vous parliez de vos expériences de coloc. Moi, j'ai jamais vécu en coloc, mais c'est un truc qui m'intéresse. C'est génial, mais c'est vrai que parfois, tu peux tomber sur des gros relous. Alors, ben, parlez-moi des expériences avec des colocs un peu relous. 32-28, on fait de la radio ensemble. Dans quelques secondes. Le bootleg du vendredi, c'est une exclusivité Fun Radio parce que, oh putain, c'est vendredi. Justin Timberlake, les Spice Girls de Weeknd, tout dans le même morceau, là, allez hop. Je peux vous dire que c'est de la bombe. Ça va passer là sur Fun Radio dans, allez, à tout péter 5 minutes. Bruno, allô ? Paye vos factures. Mais pour l'instant, comme chaque matin sur Fun Radio, je paye de la facture. Et pour payer vos factures, il faut les envoyer. Soit vous le faites par mail, facture@funradio.fr ou par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Et si on vous appelle en direct le matin, c'est cadeau, c'est pour moi, votre facture est payée. Nous partons aujourd'hui du côté de Molon. Villieu-Loye-Melon, compliqué. Alexandra? Oui, allô? Bonjour Alexandra. Bonjour. Alexandra, bonjour. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? Bruno dans la radio. Wow, wow, wow. Alex, je t'en supplie, donne-moi exactement la prononciation du lieu où tu habites. Alors c'est Villieu-Loye-Melon. Villieu-Loye-Melon. D'accord. C'est voilà. Rigolo comme nom. Villeloy-Melon à 3 maisons. Bah non. C'est un peu ça en fait. Alexandra, tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis esthéticienne. D'accord, ok, esthéticienne. T'as ton cabinet d'esthétique, c'est le tien ou t'es employée? Non, je suis employée. T'es employée, très bien. 226,10 €, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une facture d'hôtel, puisque la semaine prochaine on part, ma fille Romy, qui a 8 ans, a été sélectionnée pour les championnats de France de rock acrobatique qui se déroule à Avignon. Et donc, voilà, on part 2 jours avec mon mari et ma deuxième fille. Ah, c'est génial! Alors ça, c'est un truc... Ouais.

Fleur de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruit des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruit des bois et fleur de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. But lance sa nouvelle collection. Venez vite la découvrir. Et en ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr. Tous les matins. Morning, go. C'est Bruno dans la radio. Make some noise. Bon, les amis, je suis en train de faire la liste des gens qu'il y a dans le medley que je vous passe maintenant. Justin Timberlake, il y en a ? Oui, il y en a. Oui. Adele, il y en a ? Oui, il y en a. Il y a les Spice Girls, il y a The Weeknd, il y a Gwen Stefani. Oui. J'en rajoute qui ? Je suis en train de taper. Anna Kendrick, je tape. Mac Lemore, ok, je tape. Christophe Maé, non, il n'y est pas. On est face. Il n'y est pas. Renaud, il n'y est pas non plus. Il y a qui d'autre ? Gwen Stefani, tu l'as dit ? Gwen Stefani, je l'ai dit. Les Spice Girls, tu l'as dit ? Tous ces gens-là, c'est un peu comme le truc, tu sais, de fruits, là où tu dis on a mis tous ces fruits dedans. Jess Glynne. Et elle y est aussi. Chanteuse de Clean Bandit. Exactement. Stop, c'est bon, on a tout ? On a tout. Je crois bien. J'arrête, hop, je charge le dossier, c'est parti. C'est le medley de la mort qui tue ! Une seule radio peut vous diffuser ça. Et cette radio, c'est... Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I said you're holding Il n'y a que sur Fun Radio qu'on fait ce genre de délire. On vient de faire un Facebook live sur la page facebook.com/bruit dans la radio. On est essoufflé. Voilà, je préfère vous le dire. Vraiment, on est essoufflé. Bon, dans quelques minutes, il y aura la chanson du jour. Il y aura Amir. Et puis, on a lancé le sujet là sur les colocs. C'est quoi ? On va en faire un peu là, puis on en reparlera moins le quart, parce que vous êtes nombreux là à avoir appelé le 3228. Puis à moins le quart, on aura peut-être assez de souffle pour parler. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? Oh, ta gueule. Va chier, assieds-toi, repose-toi, tout va bien. Je vais faire un arrêt cardiaque. Loïc, il est à Avignon, il a appelé le 3228. Comment ça va, Loïc ? Ça va et toi ? Eh ben, on est au taquet, on est en pleine forme, parce que... Oh putain, c'est vendredi ! Voilà, et c'est tôt. On parle des colocs un peu chelous. Alors toi, il y a eu un truc de dingue avec ta petite amie. Explique. Ben, en fait, j'ai mon coloc qui fantasmait sur ma copine. Et bon, ça, je le savais et tout. Et un jour, en allant à la salle de bain, il avait oublié de la fermer. Je croyais que c'était libre. Et je l'ai vu avec les sous-vêtements de ma copine. Oh merde. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire que tu l'as vu porter la culotte et le soutif, quoi. C'est ça. C'est ça. Allez, c'est chelou. Ça ah, c'est horrible. Voilà, voilà. Et ça m'a excité. Je sais pas si vous pouvez faire mieux que lui, quand même. Hein. C'est chelou. On est d'accord, c'est chelou. Ça, hein. Je t'embrasse, Loïc. Il y en a plein, là, qui arrivent. Loosman au standard. Comment ça va, Loosman ? Ouais. Allez, ça change quand même. Aurélien, à l'époque, quand c'était Aurélien, il faisait... Ouais. Et là, c'est du... Ouais. Loosman, d'autres trucs de coloc, on va en reparler dans 10 minutes, d'accord ? Tu mets ça sur le feu, tu t'en occupes. Chanson du jour. Nolwenn a 12 ans, elle m'a écrit bruno@funradio.fr. Elle veut un yinche, elle veut un deuxième yinche. Faut qu'on appelle son père. Pour convaincre le père d'avoir un chien. Attention, le chien n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet, c'est un être vivant dont on s'occupe pendant longtemps. Tout à fait. Je vais faire un peu mon daron. Chanson du jour, ça arrive juste après les infos. Eh, hey, vous êtes sur Fun Radio, hein ? Avec Patrick pour une randonnée en montagne. Patrick en pleine forme, hein, avec son sac à dos Arpena 10 litres de Quechua. Oui, un sac avec une taille compacte et des bretelles confortables, il ne le sent même pas. Mais Patrick s'arrête, que se passe-t-il ? Ah, il sort son pique-nique. Il a bien mérité une petite pause. Oui, et nous d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange, hein ? Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le sac Arpena 10 litres de Quechua, garanti 10 ans à seulement 2,99€. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Soch présente. Eh, tu sais quoi ? Je suis pas chez Soch. Oh mince, je suis pas chez Soch. Ben Polo, qu'est-ce qui t'arrive ? T'arrives à le dire d'habitude ? Non mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah oh, super ! J'ai passé chez Soch. Oh mince, oh ! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Soch promo. Soch ! Rapport Arcep 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur soch.fr. Géant, c'est le mois bien fait pour vous chez Géant. Ce week-end, profitez d'une offre exclusive. Une remise immédiate en caisse de 30% sur tout le textile, vêtements, accessoires, chaussures et sous-vêtements à partir de 2 articles achetés hors puriculture. Géant pour habiller toute la famille, non ? C'est ce week-end seulement et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon chéri, faut qu'on fasse des économies. Ok, on n'a qu'à refaire toute notre cuisine. Quoi ? Bah oui, on change pour une cuisine éco-responsable. Un réfrigérateur qui consomme moins, un robinet économe en eau. On va faire des économies. C'est sûr, vu comme ça. C'est le moment de changer. Jusqu'au 25 juin, IKEA vous offre 10 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat sur tout l'univers de la cuisine. Meubles, électroménagers, ustensiles, art de la table, le restaurant et l'épicerie suédoise. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. Wepa ! Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou ! C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Jean-Paul ? Incroyable ! Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ben, je suis là. Chez Volkswagen ? Oui, depuis 15 jours. Ben, t'étais pas prof de maths ? Si, enfin... Mais tu fais quoi chez Volkswagen ? Bah comme toi, j'hésite. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000€ empruntés, 1 500€ d'apport, 36 mensualités de 416,67€, montant total du 15 000€. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseau participant. Tentez de gagner des places pour l'Euro 2016 en retirant de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole. Oh, c'est marrant ça. Tu retires des euros pour aller à l'euro. Oui, ou des billets pour gagner des billets. En fait, tu vas retirer pour voir les joueurs tirer. Ouh là là là là. Retirez de l'argent dans les distributeurs Crédit Agricole et vérifiez sur votre ticket de retrait si vous avez gagné des places pour un match de l'UEFA Euro 2016 ou l'un des milliers de cadeaux. Crédit Agricole, partenaire de l'Euro 2016. Jeux réservés aux personnes majeures, voire règlement complet, conditions et distributeurs participants sur onatousuncotefoot.fr. Hashtag Bruno Fun Radio, faites tout péter sur Twitter les amis, ça vous permettra de gagner votre rencontre avec David Guetta, ça vous permettra de gagner vos deux places pour regarder le match France-Roumanie. En deux mots, ça va vous permettre de, bah, d'assister à la cérémonie de l'ouverture. Hashtag Bruno Fun Radio. Fun Radio. Le son Flav. Les infos avec Justine Salmon, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On commence par un petit point météo et ce sera plus calme aujourd'hui. Un ciel couvert mais moins de pluie, sauf sur le quart nord-est où il y aura des averses. Des éclaircies quand même dans le sud, sur la pointe bretonne et la pointe normande. La Seine-et-Marne est toujours en vigilance rouge, mais l'eau commence à se retirer. On a 12 départements en vigilance orange en Île-de-France et sur une grande partie du centre-Val de Loire. Les températures de 9 à 14 degrés ce matin, on attend cet après-midi 16 à Lille, il fera 17 à Paris, 21 à Grenoble et 23 degrés à Arcachon. Et si on regarde le week-end, encore un peu agité demain, ce sera bien mieux à partir de dimanche. Le niveau de la Seine continue de monter. Le pic devrait être atteint à la mi-journée. On nous annonce jusqu'à 6 mètres. Le RERC ne circule plus. À noter aussi la fermeture des musées du Louvre et d'Orsay par mesure de précaution. 20 000 personnes ont été évacuées depuis le début des intempéries. 20 000 personnes également privées d'électricité. La 10 est toujours coupée entre Paris et Orléans. À côté de ça, la mobilisation contre la loi travail continue. Quelques perturbations à la SNCF. On nous prévoit 2 TGV sur 3 et la moitié des TER. Normalement, pas de perturbations dans les aéroports. Et hier, il y a encore eu des manifs à Brest, à Rouen, à Grenoble, mais aussi à Toulouse. Et encore des violences en marge de certains cortèges, notamment à Nantes et à Rennes. Au Japon, un petit garçon de 7 ans a été porté disparu depuis le week-end dernier. Ses parents l'avaient abandonné en pleine forêt pour le punir et quand ils ont fait demi-tour, impossible de le retrouver. Bonne nouvelle, le petit Yamato a été retrouvé sain et sauf dans un local militaire. Et puis à Roland-Garros, programme chargé ce vendredi. On a 4 demi-finales au programme. Novak Djokovic contre Dominic Thiem et le tenant du titre, Stan Wawrinka, sera face à Andy Murray. Il est à 7h35. Bon réveil et bonne matinée sur Fun. C'est tout de suite le retour de Bruno dans la radio. Tous les matins. Morning, go! C'est Bruno dans la radio. Make some noise! Fun Radio. Vendredi, c'est le 3 juin, c'est Fun Radio. Merci pour vos messages. Je suis en train de regarder là sur la page Facebook parce qu'on a fait un live vidéo tout à l'heure. Les gens disent, mais vous êtes des fous. Mais non, on est juste content d'être là le matin. Amir, ça arrive. Dans la demi-heure, il y aura également One Dance, Drake. Et si j'ai le temps, avant 8h, je vous passe Benny Benassi. Merci pour tous vos messages sur le hashtag Bruno Fun Radio. Ça vous sert aujourd'hui en plus à gagner vos places pour aller voir David Guetta, cérémonie d'ouverture de l'Euro. Il y aura David Guetta, il y aura vous, il y aura Didier Deschamps, il y aura les joueurs de l'équipe de France, il y aura... Morgan Schneiderlin. Voilà, ils seront tous là. Vous voulez gagner la possibilité d'assister à cette soirée qui va être ouf? Eh bien, vous pouvez le faire. Il suffit d'envoyer un message avec le hashtag, le mot dièse, hein, je dis mot dièse parce qu'il faut aussi. Bruno Fun Radio, voilà, c'est tout simple. Alors évidemment, peu importe votre ville, on vous prend, on vous paye le transport, on vous paye aussi l'hôtel. Je ne sais pas depuis quand c'est complet la cérémonie d'ouverture, depuis les premiers jours, je pense. Oui, hein. Oui. Ça doit coûter une blinde, non, des places comme ça? Ouais, à mon avis, ça doit coûter une blinde d'arès. Est-ce que je peux vous lire un texto? Ouais. Fais donc. Un texto, je l'ai fait suivre à certains membres de l'équipe. Ah oui, il est très drôle. Ah ouais, enfoiré, ouais, moi, il m'a énervé, mais de ouf. C'est un texto, énervé. Envoyé à Arthur. Et c'était vrai ou c'est... Non, c'est un faux truc alors. Mais non, c'est un faux truc, c'est un faux que truc. Arthur de TF1. Oui. Qui m'envoie ça avant-hier. Donc le texte, c'était comme ça. Si ça t'intéresse quelqu'un, je connais un mec qui a acheté des places pour la finale de l'Euro 2016, mais il ne s'est pas rendu compte que ça coïncidait avec le jour de son mariage. Donc, si quelqu'un peut et veut y aller à sa place, c'est à la mairie du 16e, la fille s'appelle Sarah, tout est payé, il y a juste qu'à y aller à se marier. Au début du texto, j'allais répondre tout de suite. Bah mec, bien sûr, mais ça me chauffe de ouf. J'ai même pas lu en entier parce que tu nous l'as fait suivre. Et j'ai commencé à répondre en disant je veux être le premier parce que sinon quelqu'un va choper les trucs. C'est drôle. Bon allez, chanson du jour. Are you ready? Bruno. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. La chanson du vendredi. Et en revenant pour le hashtag, d'ailleurs, si vous l'envoyez maintenant, vous avez autant de chance que celui qui l'envoyait à 6h ou celui qui l'envoyait à 9h15. Hein. Attention, on va tout mélanger, on va en choisir un, on va demander un numéro de téléphone en inbox et on va vous appeler. Faites sonner le clairon pour Nolwenn de Lyon. Salut Bruno, salut la famille. Salut Nolwenn. Bonjour ma belle. Nolwenn, tu as 12 ans. Ouais, c'est ça. Et tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Tu veux ce matin qu'on passe un message à ton papa, tu m'as dit que tu étais très proche de ton père et que vous aviez déjà un chien, un berger blanc suisse qui s'appelle Jedi. Le problème, c'est que ce chien est très baladeur. Tu m'as mis tous les villageois le connaissent, ça agace un peu ta maman et toi aussi ça t'énerve un peu. Un jour, alors que tu étais énervé, ta mère a dit il faudrait qu'on en prenne un autre, comme ça il aurait plus besoin de se balader à droite ou à gauche pour avoir de la compagnie. Et toi t'adorerais parce que t'aimerais avoir un border collie. Border ouais. Collie, de mémoire, c'est les chiens un peu de berger, c'est ça, les jolis chiens de berger, on est d'accord? Oui, noir et blanc. Ouais, noir et blanc, je vois exactement ce que c'est, ma sœur en a un, c'est un peu foufou ouais. Hein, quand même. Pour moi, noir et blanc, c'est dalmatien. Bon, le problème, c'est que ton père est réticent à l'idée d'avoir un second chien. Tu promets de t'en occuper, de lui donner à manger, de ramasser les cacas, etc. Voilà, tu veux un deuxième chien, Nolwenn. Ouais. Mais est-ce que tu vas vraiment, parce que deux chiens c'est du taf, hein, on est d'accord. Et puis ça dépend, enfin, t'as une grande maison, t'as un jardin, il y a tout ça aussi qui est important. Bah oui, j'ai un grand jardin. Ouais. Une maison. Ouais, après, il y a aussi le truc auquel on pense pas forcément, c'est que quand t'as des chiens, moi je le sais, tu vois, j'ai Gaston, mon labrador, il faudrait que je vous en parle d'ailleurs. Encore. Ouais, il est dans un délire maintenant, mon chien. Et quand tu te barres en vacances, bah déjà, tu pars moins parce qu'il faut le faire garder, le chien. Il y a ça aussi, Nolwenn. Ouais. C'est qui s'en occupe quand vous partez avec tes parents? Non, des fois, c'est ma grand-mère et puis des fois, c'est les voisins. D'accord. Au moins, il aura un copain, le petit Jedi. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que deux chiens, ouais. Ça permet... De faire deux fois plus de conneries. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ça qui est bien. Jedi, il s'échappe partout. Bon, Nolwenn. Pendant que je suis en train de te parler, ton papa est en attente au standard, on lui fait le message, d'accord? Et puis après, tu t'expliques avec lui. Ok, Nolwenn? Ok. Tu ne bouges pas. Bonjour, Franck. Bonjour. Franck, je m'appelle Bruno Guillon, tu es en direct sur Fun Radio. Bah, bonjour, Bruno. Eh ben, bonjour, Franck. Franck, si t'es là ce matin, c'est que j'ai un message pour toi. C'est une d'accord. chanson, il va falloir que t'écoutes les paroles. Tu connais l'émission, peut-être? Un peu, ouais. Bon, bah, c'est la... le matin. Ouais. Et ben voilà, bah, c'est la chanson du jour. Et si tes enfants écoutent le matin, ça tombe bien, c'est eux qui veulent te faire passer un message. Écoute le message de Nolwenn Franck et on en parle juste après. Hey papa, je t'en supplie, sois sympa. Et puis offre-moi ce que je veux depuis des mois. Mon papa, si tu m'aimes vraiment, prouve-le et me dis pas non. Car pour plus que notre chien soit seul, j'ai trouvé la solution. Il faut qu'il ait un copain. Pour que Jedi, ce petit, ait enfin la force avec lui. Il faudrait un border collie et cela serait le plus beau jour de notre vie. Papa, offre-moi un chien. Je m'en occuperai bien. Ah oui, achetez-moi, achetez-moi. Allez, fais pas le radin. À vous, ça serait trop bien. Oui, regarde comment il est mignon. Bah oui. Est-ce que je peux savoir qui fait le chien sur la chanson? Bah, Elliot, c'est moi, c'est que des bruits maison. Et ça tombe bien parce qu'on n'a jamais su si t'étais un humain ou un chien. Et là, on commence à avoir un début de réponse. Franck! Oui. Est-ce que t'as compris le message? Ah bah, ça fait des mois que je l'ai bien compris. Hein. Donc, vu que ça fait des mois qu'on t'en parle, la question aujourd'hui, c'est est-ce que oui ou non, tu vas accepter de prendre ce border collie, ce deuxième chien? Il y a ta femme aussi hein, qui le veut. Ouais, je sais bien. Si c'était si facile, hein. Mais bon, je vois que ma fille est prête à tout. Alors on va faire un effort, hein. On va dire oui. Alors. Et ben voilà. Bravo. Yes. On est dans un bon mood de chanson du jour. Ouais, là. Cette cool. semaine, ça se passe bien. Nolwenn. Ouais. Et ben c'est gagné, ma chérie. T'as ton chien.

Vous avez choisi de vous réveiller avec la première radio Dance Floor de France. Bienvenue sur Fun Radio. Et n'hésitez pas à le dire autour de vous. Voilà. Je sais qu'en général, les gens, quand vous dites moi j'écoute Fun Radio le matin, les gens disent ah ouais, d'accord, bah Fun Radio, super. C'est bite couille chat, l'humour. Merci bien, quoi. J'ai pas 11 ans. J'ai un peu passé l'âge, les cocos. J'ai passé l'âge, ça va. Allô, quoi. Dis full, quoi, c'est bon. Bah non, mais tout... c'est, il est plus là depuis 25 ans. Ah. Et non, mais je le dis parce que ces gens-là arrivent sur Fun Radio, genre pendant la pub d'énergie ou de je sais pas quelle radio, en disant bon, allez, vous savez quoi, je leur donne 2 minutes. 2 minutes, pas une minute de plus. Et puis ils se rendent compte qu'en fait au bout d'un quart d'heure ils sont toujours sur Fun Radio et puis ils restent. Et ben merci à vous, soyez les bienvenus dans la famille, les amis. Il y a Amir qui arrive dans quelques secondes. On va retrouver nos potos d'Allo Voisin là dans quelques minutes avec cet OP qu'on a lancé là cette semaine qui a cartonné le hashtag Allo Bruno. Mais pour l'instant, je voudrais qu'on accueille Charlotte au téléphone. Bonjour Charlotte. Bonjour à vous. 25 ans. Charlotte, on a lancé un sujet tout à l'heure sur les colocations un peu chelou, parce qu'on disait, voilà, quand tu te retrouves en coloc avec quelqu'un, soit par le biais de tes études, soit par le biais, bah voilà, t'es dans une grande ville, on bosse à trois, mais on n'a pas forcément un salaire suffisant pour se payer un appart tout seul, on se met entre potes. T'as vécu ça, toi, Charlotte, et je parlais des colocs chelous. Toi, ton coloc avait un petit délire. Oui, alors, petit délire, c'est que mon coloc ne tirait pas la chasse d'eau parce qu'il était écolo. Voilà, ça c'est... Ah, ça, je ne comprends pas ça. Genre, il dit qu'il faut attendre qu'il y en ait beaucoup avant de tirer la chasse d'eau, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très donc, il y a un moment, stop, je suis repartie chez mes parents parce que j'en pouvais plus. Eh bah, tu m'étonnes. Une coloc de merde, hein, c'est le nom. Je t'embrasse, Charlotte. Après, il y a autre chose. Moi, je suis pas écolo, mais le matin, je tire pas la chasse d'eau pour pas réveiller ma dulcinée. Ouais, c'est pareil. Parce que ça l'odeur, ça réveille pas, peut-être. Ouais. Et puis surtout, il faut savoir, Elliot, que quand tu le fais à Fun Radio, les gens sont déjà réveillés. Donc, par contre, à Fun, tu peux l'attirer, ça arrangera tout le monde. C'est un réflexe. Maxence est à Clermont-Ferrand. Bonjour, Maxence. Bonjour. C'était quoi, toi, le souci avec ta coloc, Maxence? Moi, j'habitais dans un appart, donc avec ma femme, on avait deux colocs, donc deux gonzesses. Mais attends, t'as quel âge? 20 ans. Et l'autre, il parle comme si on avait 45. Ouais, dis donc, avec ma femme, là, on avait deux gonzesses et non, puis on avait six marmots. Mais non, mais oui, parce que Bruno, on s'est mis en couple, c'est vrai, on avait 12 ans. Bon, j'ai fait premier gosse à 13 ans, forcément, parce qu'on était bien. Et puis ça a suivi, quoi. On a acheté le kangou à 15 ans. En même temps, j'ai pas de mérite, c'était ma sœur. Allez, fumier. Maxence. Fumier de la part. C'était quoi le souci avec ta coloc? Du coup, la meuf, elle s'emballait, genre. Tout le temps à poil, toujours en sous-vêtements ou pas de gêne. Mais c'était quoi le souci avec ta coloc? Et donc, c'était quoi le problème? Une coloc qui est toujours à poil? Bah oui, il va te plaindre. Non, mais sa meuf devait lui faire des scènes à lui, du coup, parce qu'il devait mater. Ou elle, ou ma copine, quoi. Je me doute, ouais. Dans ces cas, tu gardes la copine, tu gardes la coloc. Hein. Voilà. On te fait des bisous, Maxence. La fête des voisins se poursuit toute cette semaine à 7h45 avec Bruno et allovoisin.com. Parce que autant tu peux avoir un coloc chelou, autant tu peux avoir un bon voisin. Exactement, et pour le savoir, il y a une plateforme qui vient d'être créée, c'est canon, ça s'appelle allovoisin.com. Vous avez besoin d'un service, je sais pas, de quelqu'un pour jardiner, pour réparer quelque chose, pour faire du ménage chez vous, pourquoi pas. Il y a peut-être un voisin qui peut vous dépanner. Vous rentrez votre budget, votre demande, et donc c'est allovoisin.com. Et toute cette semaine, on vous a accompagné et on a essayé de vous rendre service. Mais c'est vrai que c'est génial parce que tu vois, par exemple, t'as un jardin, une fois tous les 10 ans, t'as besoin d'une tronçonneuse. Oui, c'est vrai. Tu vas pas aller acheter une tronçonneuse, c'est très con. Bah, ton voisin, il en a une. Hop, allovoisin.com, tu récupères la tronçonneuse. Et puis, soit vous faites un troc, soit le mec te dit écoute, allez, je te la file pour l'après-midi pour 10 balles. Ou une fois tous les 10 ans, tu te disputes avec ton voisin, t'as besoin de faire disparaître le corps avec une tronçonneuse. Bah, voilà, c'est la même chose. Vous êtes allé sur le site avec le hashtag Allo Bruno. On a choisi, là, toute la semaine, des gens qui on pourrait filer un petit coup de main. J'ai offert un scooter en début de semaine. Rien que ça. Ouais, elle avait besoin d'une réparation de scooter. Je me suis dit que j'y arriverais pas. On en est où sur la réparation de l'iPhone, Elliot? Moi, je reçois la vitre aujourd'hui, on attend son téléphone. D'accord. Virginie. Allô. Oui, bonjour. Salut Virginie, c'est Bruno, t'es sur Fun Radio. C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Oui. C'est énorme. Oh, j'ai un peu maigri quand même. Tu t'es inscrite sur allovoisin.com. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu recherchais? Parce que, alors toi, c'était, ouais, en passant par Allo Voisin, tu peux aussi faire ça. Toi, t'es de Toulouse. Oui. Mais tu cherchais une maison à louer sur Biarritz. C'est ça? Explique le délire. En fait, je m'occupe d'un petit club de rugby de Toulouse qui s'appelle le TAC. Et chaque année, on organise un voyage de fin de saison avec les joueurs. Et donc, on cherche une maison à louer pour une quinzaine de personnes le dernier week-end de juin ou 1er de juillet. Donc, nous, on a vu ton annonce sur allovoisin.com. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. On a cherché, d'accord. On t'a trouvé un truc. Alors, je peux te dire, tu peux prévenir dès ce matin ton équipe de rugby. Ah. On vous a trouvé une maison gigantesque à Biarritz, d'accord. Oui. Avec le jardin qui en kiffe. Là, j'ai des photos. On va te balancer les photos. Hamac et tout ce qu'il faut pour faire barbecue, plancha, etc. Il y a une piscine. Et alors, tu sais pourquoi j'ai choisi cette maison? C'est que dans la maison, il y a un skatepark. Mais non! J'ai jamais vu ça. C'est quoi? T'as un endroit où tu peux prendre l'apéro, il y a des baby-foot et tout ça, quoi. Tu vois, une salle de jeu. Et il y a un mini skatepark, mais qui est dans la baraque. Ah, c'est énorme. C'est fabuleux. Et alors, la maison, il y a juste un petit inconvénient, Virginie. C'est oui. que t'as 300 mètres à faire pour être dans la mer, parce qu'elle est proche de la mer, en fait. Mais faut marcher 300 mètres. Ah non, c'est fabuleux. Elle vaut 1000 balles pour le week-end. Et bah, du coup, tu sais quoi? On te paye la baraque, on t'ouvre les portes, on s'arrange de tout, la remise des clés, tout ça. T'as juste à y aller avec ton équipe. D'accord, ma belle? Mais c'est parfait. Si vous voulez venir prendre l'apéro, ce sera avec plaisir. Pas. C'est sur quel week-end? Le 24 juin ou le 1er juillet, comme ça vous arrange. On sera à Ibiza. On sera un petit peu. Ouais. Et j'adore décaler d'une semaine. Je te fais des bisous, Virginie. Merci, merci beaucoup. Merci à Lou Voisin aussi et à vous, à toute l'équipe de Géniaux. Eh bien, écoute, on est là pour ça. Et continuez comme ça, parce que franchement, c'est fabuleux. Eh bien, je te promets qu'on va continuer comme ça. Elle est bien, c'est bien ça. Hein. C'est énorme. J'ai adoré stopper. Allovoisin.com. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 7h55. La radio que vous écoutez s'appelle Fun Radio. Et le son que vous écoutez a fini numéro 6 à l'Eurovision. On est fiers d'Amir et j'aime beaucoup le garçon. C'est J'ai cherché, c'est sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh you, you, you, you, you. Bienvenue sur Fun Radio. Le JPI vous est présenté par la grosse émission. Tous les jours sur Comedy Plus à 18h22. Environ. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 7h50 du JPI.

20 000, c'est le nombre de personnes évacuées depuis le début des inondations. 20 000, c'est aussi le nombre de foyers privés d'électricité. Vers Paris, la crue se déplace et la Seine continue de monter. Le pic pourrait être atteint à la mi-journée avec 6 mètres d'eau. Le RER C ne circule plus dans Paris jusqu'à lundi. Le musée du Louvre et le musée d'Orsay seront également fermés par précaution. Et puis la grève se poursuit à la SNCF. On a 2 TGV sur 3 en circulation, la moitié des TER et un tiers des intercités. L'autopsie a parlé, le chanteur Prince est mort des suites d'une overdose de médicaments avec du fentanyl, un antidouleur 50 fois plus puissant que l'héroïne. L'artiste de 57 ans est décédé brutalement le 21 avril dernier. L'établissement français du sang lance un appel urgent aux dons. Les stocks sont trop bas à la veille de l'été, ils ont besoin d'être reconstitués. Sachez que les donneurs doivent être âgés de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kilos. Près d'un million de malades sont soignés chaque année grâce aux dons du sang. On termine avec un petit mot de foot. Demain soir, dernier match de préparation pour les Bleus avant l'Euro. Ça se jouera à Metz contre l'Écosse. Et puis à Roland-Garros aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Il est 8h04, c'est Bruno dans la radio. Fun Radio. Nous sommes le 3 juin, il est 8h04. Vous écoutez Fun Radio. Bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Oui les amis, c'est vendredi. Ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que c'est la teuf. Voilà, et puis c'est tôt. Ça veut dire que c'est Friday Wear. Vous vous habillez comme vous avez envie pour aller bosser. Ça veut dire que ce soir c'est l'apéro du vendredi avec les potos. Ça veut dire que c'est le son de Fun Radio avec Boosty. Galantis là qui va arriver avant 8h30. No money. 8h10, je paye de la facture. 8h30, on vous offrira votre rencontre avec Bob Sinclair. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Et bonjour. Il y a Elliot. Bonjour Bruno. Oh, on va passer encore le week-end ensemble avec Elliot. Pourquoi encore? Et le week-end dernier, on a fait une soirée ensemble. Ouais. Et puis là. Ah. Voilà. C'est dimanche. Chose. C'est autre chose. Là. Direction la Charente-Maritime, chez moi, ma patrie, mon sang, ma terre, pour enregistrer Fort Boyard. Et beaucoup de gens me disent, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire Fort Boyard avec Elliot? C'est vrai que je me pose la question, mais... Ah, je vais tout donner. Oui, mais tout donner, est-ce que ce sera assez? Oui, est-ce que j'ai beaucoup à donner? Telle est la question. Moi, j'ai le mieux placé pour en parler. Ah. Voilà, c'est la personne la plus concernée. C'est... J'allais dire mon ami, que dire mon frère, j'adore cet homme. Et Dieu sait qu'à la télé, il y a des enflures, mais alors lui, c'est l'homme le plus kiffant de la télé. Les amis, je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il mérite qu'on l'applaudisse à 8h du matin, Olivier. Oui. Yeah. Merci, c'est trop. Bravo. Bonjour, c'est Olivier. Trop. Comment ça va? Eh, mon Olivier, et tu sais que ton look que t'avais dans le grand concours des animateurs, les filles de mon équipe n'en peuvent plus. Non mais Olivier, cette barbe, ça te va mais à merveille. Tu es magnifique. T'es un amour. Et, sincèrement, j'ai été très surpris quand même de la réaction de la twittosphère entre autres, parce que je ne pensais pas que ça allait faire un tel remue-ménage. Ah mais mec, mais il n'y a pas une personne, parce que les gens savent qu'on est amis dans la vie, il n'y a pas une personne de sexe féminin, et pas que d'ailleurs, qui est venue me voir en me disant « Dis donc !» Olivier Mine, mais quel beau gosse! Ah, mais il est beau gosse. Et puis surtout, t'es taillé. Mais qu'est-ce que t'es taillé? On voit que toi, tu fais du sport pour le coup. Oui, enfin, essayer de se maintenir surtout. Vous avez... Et encore plus quand on présente Fort Boyard, parce que forcément, on monte et on descend toute la journée. Bon, et comment ça se passe là en ce moment, les tournages? Vous avez beau temps ou pas? Écoute, comment te dire, ta patrie est accueillante, ça c'est évident. Pour le reste, il fait mitigé, on va dire, voilà, mitigé. Mais il pleut toujours moins, malheureusement, que dans certaines autres régions. Oui, c'est vrai. Mais je crois que vous allez avoir de la chance parce que le beau temps arrive à partir de lundi, ouais. Le jour où Bruno et Elliot vont arriver. Arrive, ouais. Bien entendu. Mon département met le soleil quand j'y viens, et puis c'est tout. Bon, Olivier, ouais, ça va être un kiff de te voir dimanche et de tourner l'émission avec toi lundi. Vraiment, je suis super content de venir. Alors, je viens avec Elliot. Est-ce que tu vois en gros à quoi correspond Elliot? Bien entendu. Bon, je pense qu'Elliot, c'est comme un bon citron. Il faut simplement le presser un peu pour voir que le jus qu'il y a à l'intérieur est absolument merveilleux. C'est tout. Merci Olivier, c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait. Dans ma vie. Oui, mais fais gaffe, parce que quand je dis presser, ça veut dire qu'on va vraiment te presser. Oui, c'est ça. Mais alors justement, Olivier, est-ce que tu vois Elliot faire une épreuve particulière ? Dans quelle épreuve tu le verrais bien ? Je le verrais pas mal dans une sorte de saut à l'élastique, par exemple, de la passerelle. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça. Parce que je pense qu'Eliott aura toujours cette grâce, malgré la peur, malgré l'appréhension, cette grâce typiquement française, il faut bien le dire. Bien sûr, bien sûr. Olivier, laisse tomber, je suis trop lourd pour l'élastique. Olivier, je lui ai dit, quand on a préparé les questionnaires de préparation et qu'on demande le poids, j'ai dit Eliott, ne ment pas. Parce que si tu fais du saut à l'élastique et que tu triches sur 10 kilos, ces 10 kilos, tu vas te les manger en pleine gueule sur le sol. Je pense que c'est peut-être plus correct de remplacer l'élastique par une chaîne. La maison peut fournir la chaîne aussi. Et il y a un truc qu'on n'a pas fait, il faut absolument qu'on vous donne un cri de guerre. C'est toi le chef d'équipe, Bruno, on peut le décider avec les auditeurs de Fun Radio, du coup. Un cri de guerre. C'est clair. Non, il faut un cri de guerre et puis un cri de guerre qui soit, tu vois, qui marque les esprits, sinon c'est pas la peine. Bon, écoute, je vais réfléchir sur un cri de guerre. On se voit lundi sur le fort, Olivier. Je te fais de gros bisous. Et il y a quelques nouveautés. J'ai vu, il y a des nouvelles têtes. Tu peux en parler ou pas? Oui, il y a des nouveautés. Entre autres, il y a une sorte de vaisseau spatial que les Bogdanov ont laissé en rade sur le fort. Ouais. Et qui permet de récupérer une des 9 clés, parce qu'on maintenant on récupère 9 clés plus 7 clés. Donc, c'est pour dire que l'aventure risque d'être encore plus périlleuse pour vous. Mais ce vaisseau spatial est absolument une tuerie parce que c'est sur vérin hydraulique. Et on a vraiment l'impression, comme dans Star Tour chez Disney, on a vraiment l'impression de piloter un vaisseau spatial. Ah, c'est cool, énorme. Ah, j'aime bien ça. Ah, ça va être énorme. Ah, ouais. J'aime bien. Parce que moi, j'ai quasi fait toutes les épreuves du fort, donc je suis content quand il y en a des nouvelles. Hein. Olivier, tu veux que je te ramène quoi du continent? Du beau temps. Parce que Olivier vit sur le fort, il faut le savoir. Une tour Eiffel en plastique, question que ça me rappelle que. Et quand tu t'appuies dessus, elle fait pouet-pouet. Je te trouve ça, Olivier. Je t'embrasse, je t'aime fort. Je t'embrasse fort. J'avais une dernière question. Une dernière question, parce que si je la fais pas au cas où il y a une épreuve que je rêve, c'est la tête chercheuse, tu vois, laquelle c'est. Bien sûr. Et une question, je pense, que se pose toute la France. Qu'est-ce que ce liquide rouge? Qu'est-ce que c'est? Ah. Je rêve de le boire. Mais attends, c'est quoi la tête chercheuse? C'est un dos un peu lourd. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler ce matin? Non, c'est quoi? On va rentrer. Il faut surtout que tu m'expliques ce que je vais t'expliquer. Olivier, je te fais des bisous, frérot. Bisous. Ciao. Bisous. Tu l'as fait, Bruno, la tête chercheuse. C'est le truc où t'as que la tête qui dépasse et tu rentres dans des trucs où il y a des bêtes. Oui, tu dois souffler avec le sable et après tu dois boire ce liquide. Et depuis que je suis gamin, depuis 95, je me demande. C'est de la grenadine. Mais grenadine. Dis pas que. Qu'on lui mette un vodka Red Bull. Bon, on va enregistrer ça. Alors lundi matin, je tiens à vous dire qu'on va faire l'émission avec Elliot et Christina Ivaché. Voilà, je serai là en direct dès 6h du matin. Et nous, on sera en duplex depuis la Charente-Maritime. Exactement. Je vous laisserai jamais seul. Bah non. Hey, Bruno, enchaînement. Pour le soir d'élastique. Je pourrais dire ça, cela dit au père Fora, tu ne seras plus jamais seul et je le laisse Elliot. Non. Dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone. On and on and on and on. We don't like water. seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, les jeunes seraient plus jamais seuls. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule. Ouais, j'y avais pas pensé là, cette histoire de cri de guerre pour enregistrer Fort Boyard. Bah ouais. Il faut franchement, mettons les auditeurs dans la boucle, non? J'ai l'impression qu'on a mis de l'huile, hein, ça y est, sur les pieds de micro, hein, ça. Ah oui, c'est mieux. Ouais, quand je le bouge, ça s'entend pas. Hein. ouais, et si vous avez des idées 32-28, des idées de cri de guerre pour qu'on emmène à Fort Boyard. Sinon, moi, j'avais pensé reprendre, mais c'est pas le nôtre, c'est celui de Marion et Anso, mais tu sais, on est content d'être là. Ah ouais, c'est pas mal. Il est ouais. bien aussi. Hein. Bah, il y a aussi, au secours, Elliot s'est blessé. Je pense que vous en aurez besoin. Mais il va assurer, Elliot. Bien sûr, je vais il tout va donner. Assurer. Moi, j'ai une angoisse, je l'ai pas dit à Olivier. Bah oui, oui. J'ai un pneumothorax à cause de ma chute là en scooter, et j'ai le bras droit qui est handicapé un peu. Il y a peut-être certaines épreuves que tu pourras pas faire, Bruno. Mais tu sais, mais je le ferai quand même, voilà. C'est tout, je dirai rien. Je vais souffrir dans mon coin et puis je serai là et je donnerai le meilleur de moi avec Elliot qui sera en soutien derrière. Bien sûr, mais c'est une question d'équipe. Si on se soutient tous, si les six se soutiennent, tout va bien se passer. Puis, tu vois là, il parlait du saut à l'élastique, là, tu étais là il y a 5 minutes. Je pense qu'avec ton problème à l'épaule, toi tu peux le faire, ça te dérange pas. Ouais, non, mais je vais me shooter. vous savez que ça va être quelque chose, ça va être une aventure, hein. C'est Elliot, en plus, va faire sa première grosse émission de télé, en fait, avec moi, la nuit. Oui, c'est vrai qu'au-delà de tout ça, ouais, ça, c'est vrai que je vais passer... Oui, parce que tu sais que c'est filmé, hein, quand oui, même. Oui, oui, non, mais ouais, c'est fou. Donc, Elliot, tu te brosses les dents, tu te laves... Mais t'es propre sur toi, attention, hé. Hein, t'es propre sur toi, tu fais pas honte à papa. Hein. Non, je vais bien me coiffer. À l'hôtel et tout, la chambre, tout ça, tu laisses tout propre, non, hein. Non, pas d'alcool. Tu te rappelles le truc qu'on t'avait dit là, ça s'appelle déodorant. Vu que tu vas courir, mets-en. Hein. Oui, c'est vrai. Déodorant, ça s'appelle. J'ai tout ce qu'il faut. Galantis. Ça arrive là sur Fun Radio. Dans moins de 10 minutes, on va parler People, Actu People ce matin. Qu'est-ce qu'on a au menu? Alors, je vais évidemment vous parler de ce qu'il y a dans la presse People. On en sait un petit peu plus sur la rupture de Calvin Harris et Taylor Swift aussi. Et mon invité, c'est du lourd ce matin, c'est DJ Snake. Ah fort, DJ Snake, le nouveau Snake là qu'on a passé toutes les heures en avant-première sur Fun Radio hier, était juste top. Peut-être que je vais vous le remettre avant 9h, tiens, j'ai envie. On va voir avec Fonf. Pour l'instant... Money. Bruno, allô, paye vos factures. Je paye la deuxième facture de la matinée et c'est une facture qui a été envoyée sur le site exprès pour les factures. BrunoPayeVosFactures.fr. Vous pouvez déposer votre facture vous aussi sur ce site ou alors l'envoyer par courrier à Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Après, il faut vous armer de patience. Je sais que vous êtes nombreux à dire « Ouais, j'ai envoyé ma facture, j'ai pas de nouvelles, on en donne. » On en donne à un moment. À un moment, on vous appelle. Et à un moment, au moment où vous vous attendez le moins à ce coup de fil... Le téléphone sonne chez vous, comme chez Lucia. On part à l'INAS, département de l'Essonne. Allô ? Lucia ? Oui ? Bonjour Lucia. Oui ? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? Bruno dans la radio ? Eh ben voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Non ! Comment ça va, ma Lucia ? Bah, ça va très bien maintenant. Tu fais quoi dans la vie, Alinas? Je suis... Alors, je travaille sur Thiers dans le 94. Ouais. Je suis gouvernante hospitalière à l'hôpital privé de Thiers. D'accord, ok. Pas de soucis d'inondation par chez toi? Non, au boulot, non. D'accord, mais chez toi à la maison? Mais les routes un peu compliquées. Ouais. Non, ça va. Prudent et bon courage là pour tous ceux qui sont touchés. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'Essonne, mais il y a également le Loiret, il y a plein de départements là touchés par les inondations. On pense à vous. Et d'ailleurs, sur la page facebook.com/Bruno dans la radio, il y a eu une petite chaîne de solidarité qui s'est créée où il y a des gens qui proposent leurs services pour héberger, pour essayer de déménager, etc. Venez faire un tour sur la page, on fait le relais hein, de tous ces messages. Lucia, tu m'as envoyé ce que je reçois souvent, c'est-à-dire que comme des factures, on n'en a pas forcément qu'une ou deux. Tu m'as fait une compile, et ça s'appelle un découvert, une compile de factures. c'est ça, un petit découvert. Tu m'as envoyé ton relevé bancaire avec un découvert. On peut donner le montant ou pas? Oui, bien sûr. Bon, on est sur du quasi 400 euros, hein, c'est ça, hein, ouais. Le découvert. Ouais. Eh ben, Lucia, c'est cadeau, c'est pour moi.

8h24, vous écoutez Fun Radio, on parle people. People. Les people de Christina. L'actu people, la de ces dernières heures avec Christina, comme chaque matin sur Fun Radio. On a quoi au menu ce matin? Je vous dis ce qui va faire la une des magazines people ce week-end. Calvin Harris a décidé de s'exprimer sur sa rupture avec Taylor Swift. Les causes de la mort de Prince ont été rendues publiques. Un couple s'est créé dans la dernière saison de Koh-Lanta. Et DJ Snake nous dira s'il parle pendant son sommeil. On commence avec ce qui va faire la une des magazines People. D'ailleurs, tu sais que je déconnais en début de semaine par rapport aux magazines que l'on trouvait sur les tables des salles d'attente, des dentistes, des docteurs, etc. Ouais. Et on déconnait sur le fait que c'était des magazines qui avaient 25 ans et qu'à un moment, on se disait ils pourraient faire un effort quand même. Et donc, il y a plein de secrétaires médicales et des docteurs qui ont laissé des messages, notamment sur le Twitter là, avec le hashtag Bruno Fun Radio, en m'expliquant qu'ils ont essayé à un moment de mettre les closers, voici public récent, mais les gens les chourent. Ah! Et donc, ah bah du coup, à un moment, ils en ont plein le cul d'acheter des magazines, tu vois, dont les clients profitent pas. Les gens se barraient avec, en fait. Bah oui, bien sûr. C'est comme les gens, quand t'as un truc gratuit dans un supermarché, ils les prennent tous. Bah oui. Vacher. C'est typiquement français. Moi, je prenais, en fait, à l'époque où il y avait encore les sacs plastiques, pour, où tu mettais courses et que c'était gratuit, j'en prenais plein, alors que j'achetais très peu de choses, comme ça me faisait des sacs poubelles gratuits. Ah, super. Ça me fait penser à un truc, je suis désolé, mais du coup, j'ai un coup de gueule rapide. On parlait des inondations tout à l'heure. J'ai vu un mec hier, tu sais, qui a Nemours, notamment, c'est une ville qui a été très très touchée par les inondations, et il n'y a plus d'eau potable. Et donc, il y a des gens qui sont allés au supermarché, et il y a un gars, donc j'ai entendu, c'était sur RTL, qui disait, ouais, bah, du coup, tu vois, il y a un risque qu'il y ait moins d'eau. Et ils sont tombés sur un gars qui avait acheté 18 plaques de flotte. Mais non. Et donc le gars, il dit, mais vous pensez pas que c'est beaucoup? Il fait, non, mais j'en ai resté pour les autres, parce que nous, on est dans une famille nombreuse, il y a moi, ma femme et mon enfant. Mais c'est comme ceux qui ont pris 18 litres d'essence, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, mais ça m'énerve. C'est comme le mec qui a soi-disant une pénurie d'essence, on rouvre une pompe, le mec ouvre son coffre, il a 8 jerrycans. C'est après moi le déluge. C'est les mêmes qui revendent le double après. J'aurais pas aimé les voir en 42. Bon, alors, excuse-moi. En tout cas, la une des magazines cette semaine, donc vous avez Alexandra Lamy en couverture de Voici. Elle a enfin retrouvé l'amour. Alors, on sait rien de lui, mais il est super beau. Dans Public, c'est Amber est une menteuse, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, Lily Rose. C'est elle qui a dit ça. Et puis, dans Closer, c'est Johnny Depp. En fait, alors, il paraît qu'il aurait pété un plomb puisque Amber Heard aurait recouché avec son ex, une mannequin française. Voilà, c'est ce qui fait la une des magazines People pour ce week-end. Merci, Christina. Calvin Harris, Taylor Swift, on l'avait dit hier, c'est terminé. Alors, le DJ a tenu à s'exprimer hier sur son compte Twitter. Oui, et alors je suis emmerdée parce que ça n'a pas été traduit. Mais alors, Bruno, tu vas m'aider. Ouais. Il a traduit ce message. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? The only truth here is that the relationship came to an end and went remains is a huge amount of love and respect. La seule vérité dans tout cela, c'est que notre relation est arrivée à la fin. Et ce qu'il en reste, c'est une gigantesque histoire pleine d'amour et d'or. Respect, et c'est un beau sentiment. Voilà, parce qu'on l'accusait d'avoir été infidèle. A priori, non. L'autre info, ouais, c'est... Ouais, je te soupçonne d'avoir essayé de me niquer, hein, quand même. regarde-moi bien. Non, pas du tout. Tu sais ce qu'elle mériterait? Elle mériterait qu'on lui fasse lire la phrase en anglais, quand même, en punition. Non. Bon, Prince, on s'en doutait, mais l'info a été confirmée hier. Prince est bel et bien mort suite à une overdose de médicaments, le Fentanyl, un antidouleur qui est jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. Ouais, donc elle n'arrive pas à lire le français, donc effectivement, heureusement que t'as pas lu l'anglais. Un antidouleur. Puis, non, mais alors ça, ce truc-là est ouf. Laurine et Romain, ils sont bel et bien ensemble. Alors, c'est vrai qu'on avait quelques doutes, mais ils ont participé à la dernière saison de Koh-Lanta et donc ils viennent d'officialiser leur couple dans Téléstar. C'est la deuxième fois qu'un couple se crée dans l'émission. Ouais, il va lui montrer son totem d'immunité. Allez, on finit avec DJ Snake. Le nouveau single, c'est Talk. Vous l'écoutez sur Fun Radio. On vous le passe toutes les heures depuis hier. Et donc, je lui ai posé cette question. Est-ce que ça t'arrive de parler pendant ton sommeil? Écoutez. Ouais, grave. Ça m'a mis dans la merde plusieurs fois. Et c'est vrai en plus. DJ Snake, il est venu à Fun Radio. Voilà, première diffusion française et même internationale du nouveau Snake. C'était chez nous. Il faut dire qu'on l'a suivi depuis ses tout débuts. Et que DJ Snake est quelqu'un de fidèle. Et qu'on embrasse. D'ailleurs, je vous mettrai Talk, là, le nouveau Snake. Ce sera avant 9h. Fun Radio, c'est la radio des DJ. Je vous le prouve encore. 32-28, vous rencontrez Bob Sinclair après les news. Tiens, la fashionista, le prospectus but. Oh, la nouvelle collection, merci mon chéri. Toi qui l'aimes porter, que lui top tendance. J'aime quand tu me parles comme ça, Pierre. Le top tendance du canapé, de la déco, du salon, ça va t'aller comme un gant. La nouvelle collection est arrivée chez But. En ce moment, profitez des nouveautés à prix de lancement. But, c'est nous. Produits signalés en magasin et sur but.fr.

6h-9h. Bruno dans la radio. Sur Fun Radio. On l'avait en interview tout à l'heure, DJ Snake. Le nouveau s'appelle Talk. Il arrive sur Fun Radio juste avant 9h du matin. J'adore ce titre. Je vous mets le début parce que j'adore le début. Le début, c'est un côté film. Et après, ça démarre. Doucement. Oui, bah, je le mettrai en entier tout à l'heure. Et oh. Il y aura Kungs là, qui arrive également sur Fun Radio. On aura Louise au téléphone qui a un moment happy à partager avec nous. Mais pour l'instant, on joue. Le jeu des 30 secondes. Tic-tac, tic-tac, Fun Radio. Le jeu des 30 secondes. Mathieu est à Amboise. Il est préparateur de commandes. Applaudissements pour Mathieu. Ouais, salut Bruno. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Salut mon pote, Amboise. On n'est pas très très loin. T'es en Indre-et-Loire. T'es pas très loin des châteaux de la Loire, Mathieu. On est d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, juste à côté. Vous avez vu le château de Chambord? C'est un truc de dingue. Château de Chambord, château de François 1er, un fleuron de l'architecture française qui est entouré par les eaux. Enfin, qui est même sous l'eau d'ailleurs. J'ai pas vu les pieds dans l'eau, ouais, c'est dingue. D'accord. Il ferme le Louvre là aussi à Paris. Ouais. Et hier, je déconnais en disant on parle souvent du zouave du pont de l'Alma. C'est au pont de l'Alma? Non, il est pas au pont de l'Alma. C'est au pont de l'Alma. Si, le zouave. Si. Il a l'eau, quoi, il a ça y est. Hein. D'hier, on n'est pas sûr, là, ça y est, il les a, c'est sûr. Élodie, face à toi, Mathieu, elle a 32 ans, elle habite Aix-en-Provence, assistante maternelle. Applaudissements pour Élodie. Bonjour, Bruno, bonjour la famille. Bonjour, Élodie. Comment ça va, Hello? Ça va très, très bien, merci. Ah, un petit peu d'accent du Sud, là, ce matin, sur Fun Radio, ça fait plaisir. Élodie, Mathieu, règle du jeu des 30 secondes, je vous la rappelle. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots repartira à la Soche Freestyle Cup. Cette Soche Freestyle Cup sera ambiancée par Bob Sinclair. Et moi, ce que je vous offre, eh bien, c'est la complète, c'est-à-dire... Vous allez là-bas, vous faites la teuf, vous y allez en idée TGV, vous serez logé dans un hôtel 4 étoiles, le Villa Missal Massalia à Marseille. Vous allez rencontrer Bob Sinclair et vous allez faire la fête avec lui, d'accord? Ok. Ok, pas de souci. Mathieu, Élodie, la question que je vous pose, c'est avec qui voulez-vous jouer, en sachant que le gagnant d'hier, c'est Elliot, donc vous pouvez c'est choisir WAM. N'importe qui dans l'équipe sauf Elliot. D'accord, ok. Mathieu, tu veux jouer avec qui? Alors moi, je joue avec la toute belle, la toute bronzée, Karina du JPI. Ouais, c'est moi, merci. T'as vu qu'elle était bronzée? Ouais. Ouais, j'ai vu, ouais. Tu sais que là, je me rends compte bien maintenant. En début d'émission, je n'étais pas sûr, mais là, elle a fait un truc, Karina, on peut le dire. Oui, oui, complètement, j'ai pas aucun problème. J'ai fait une douche auto-bronzante. Ça dure 6 secondes, tu fais devant, derrière, et pan, t'es bronzée. Mais Karina, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des heures, oui, ouais, ça bronze. Alors mais en fait, oui, c'est le produit fait effet au fil du temps. Alors, c'est quoi? Tout à l'heure, tu m'en as parlé à 6h, c'était pas flagrant. Là, plus. Ouais, et regarde mes mains. Ah, c'est les mains. Elles sont orange, voilà, tes mains. Orange. Tu es orange. On dirait qu'elle revient de vacances. C'est un délire. Ouais, c'est mais assez ouais, choquant, c'est là. Sympa. Non, c'est sympa. Et Elliot, ton teint, c'est quoi? C'est la crasse, c'est ça? Elodie, tu veux jouer avec qui? Alors, moi, je vais jouer avec France, l'homme à la clavicule en fer. Ah. La clavicule de fer. The Iron Clavicule. C'est ça. Elliot, c'est toi qui as gagné hier. Tu choisis qui commence? Bah, Karinouche. Ok. Oui. Karinouche avec Mathieu. Alors Mathieu, tu connais le principe? Oui, oui. Tu auras la liste au moment où on lance le chrono. Karina également. Ça veut dire que bah voilà, t'as 30 secondes pour trouver un maximum de mots. T'es prêt mon pote? Ouais, je suis prêt, pas de soucis. Karinouche, t'es prête? Je suis prête. C'est y part. Ok, quand ton ampoule à la maison peut plus s'allumer, c'est qu'il y a une coupure de? Courant. L'autre mot pour dire le courant? Électricité. Ok. C'était une émission avec Julien Lepers pour un champion. Question. Ok. Quand tu parles très fort, c'est que tu... Gueule. Non, quand tu parles très très fort, tu... Hurle. Non, l'autre mot plus simple. Crier. Le verbe. Crier. Le verbe. Crier. Ok. C'est un pain au chocolat, mais dans le sud-ouest de la France. Tu... Ah non, merde, j'ai dit chocolat. Quand tu trompes ta femme, tu es... Ah. Cocu. Cocu, infidèle. Quand tu trompes ta femme, c'est quand t'es trompé que t'es cocu. Ouais. Petit match. Et chocolatine, bien sûr. Ouais. Et oui, le seul et unique nom officiel pour le pain au chocolat. Puisque le pain au chocolat, c'est un pain avec du chocolat dedans. Une chocolatine, ça n'a rien à voir. Ouais. Et j'emmerde tout le reste de la France qui pense que c'est les trois quarts. Hein. Et ben j'en ai rien non, à foutre. C'est pas les trois quarts, vous êtes fous. Vous êtes pas grave. La région Aquitaine, elle est plus grande que la France. Que dans le sud. Venez, tu sais quoi ? Je suis le petit défenseur gaulois du sud-ouest de la France. Mais bien sûr. Ouais. Et là, l'est, le nord. Et venez, on mange de la chocolatine, on vous emmerde. Et c'est que vous êtes jaloux. Voilà, c'est tout. De toute façon, pas en chocolat ou chocolatine, le résultat est le même. T'as un gros cul. Hein. Ouais. Mathieu, 3 points avec Karina. Elodie, il va falloir faire mieux que 3 avec Fonf. D'accord ? Ok. D'accord. Allez. Qui envoie les petits bips de bonnes réponses C'est Elliot. Ah ouais, donc on en aura un sur deux. C'est pas grave. Pour prévenir. Fonf, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Elodie, t'es prête ? Oui, je suis prête. Top chrono, c'est parti. Ok, le premier mot c'est. Putain, c'est cool. T'habites dans l'habitation, le nom un peu bourgeois pour dire qu'une habitation c'est quoi ? Tu cherches. Quand tu vas au Stade de France, il y a des trucs où il y a les VIP. Comment ça s'appelle les trucs où ils sont dans des petits carrés ? Il y a une petite cuisine, tu peux sortir, tu peux rentrer, aller voir le match, tu peux aller manger, tu peux te dormir. Non, c'est un tout petit carré, c'est un carré VIP. C'est quoi ces mots-là con là ? Mais loge, ça n'existe pas. Mais si, quand tu chantes et que t'es un artiste avant le concert, es dans les loges. Mais moi, j'ai pas envie de concert. Ou un gardien d'immeuble, il est dans ça. Loge. Karina. Et Elodie qui vient de faire loge. Elodie, on continue. Le jeu, c'est fini il y a 20 minutes. On pouvait dire aussi Karina, elle a des grosses. Loge. Et après, on se rattrapait. Oh putain. 0 point. Ouais, c'est la clavicule. Elodie. Désolé. Je suis désolé, Elodie. Mathieu, c'est gagné. Merci, Karina. De rien, Mathieu. Je suis très content pour toi. Bravo. Merci, c'est cool. Mathieu, tu vas partir à la Soch Freestyle Cup d'Amboise. On va te foutre dans un TGV. On va t'envoyer en ID TGV à Marseille, d'accord ? Hôtel Massilia, okay, 4 nickel. Étoiles. Tu vas faire la teuf là-bas et tu vas rencontrer Bob Sinclair. Et oui, car tu vas aller dans les loges. Les loges. Super. À l'occasion du Party Fun Live, il y aura aussi sur Plastini, Tempa, Benny Benassi ou encore Jonas Blue. Je t'embrasse, Mathieu. Super. Merci, Bruno. Merci à toute l'équipe. Ciao. Et puisqu'on est en train de parler de soirée Fun Radio, Manuel là, qui bosse avec les filles tous les soirs, bonjour, le Night Show. Night Show, Marion Enzo. Mano, alors ce soir c'est où la Top Fun Radio ? Le showroom du Portel, c'est juste à côté de Boulogne-sur-Mer. Et voilà, il y a Marion Enzo qui présente ce show. Alors, mais c'est quoi ? C'est un Party Fun Live ? Franchement, ouais, il y a des artistes de ouf. Il y a notamment Kinvé qui sera Kinvé, là. Kinvé, Ritza, Willy William, Kungs, Michael Canitro. Oh, c'est fou, ça va être énorme. Et c'est au chaudron du Portel ? Tout à fait. D'accord, et ça se trouve à côté de Boulogne-sur-Mer. Ouais, juste à côté. Événement de Fun Radio, soyez, si vous êtes dans le coin, soyez là-bas, les amis. Kungs, justement, on va l'écouter dans quelques secondes sur Fun Radio This Girl. Et puis Louise sera avec nous au téléphone. Bonjour Louise. Salut. Louise a un moment happy à partager avec nous. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Miko C, Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Bonsoir et bienvenue sur Fun Radio. Party Fun démarre maintenant. Welcome in the biggest club in France. La première émission Dance Electro en France le week-end. Party. C'est Party Fun. Et ce soir, à minuit, Quentin Moziman. À 2h, Chucky. En DJ set sur Fun Radio. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou ? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1€ de plus ? Oui. Et la troisième paire ? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou ! C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1€ de plus. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5€ à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dis, est-ce que tu m'aimeras toute l'année ? Bah, pourquoi tu me demandes ça ? Parce que pour ces 20 ans, oui, Bouygues Télécom offre la 4G illimitée le week-end, toute l'année. Ah bah si c'est illimité, je t'aimerais toute l'année, oui. Sur tous les week-ends. Ah là là, tous les mêmes. Quoi, tu veux ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le nouveau forfait Sensation 5Go, le premier forfait avec 4G illimité tous les week-ends. Rendez-vous vite en boutique. Engagement 24 mois, bonus week-end illimité valable 24 mois, offre soumise à condition. retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. Fun Radio ouvre sa boutique officielle. All we need to start is le shop. Rendez-vous sur funradio.fr pour découvrir en exclusivité la collection complète de t-shirts, sweatshirts, mugs, coques et autres accessoires aux couleurs de Fun Radio. C'est énorme. Vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Alors passez en mode fun maintenant. Maintenant sur funradio.fr/shop. Come on. Fun Radio. Fun Radio. More music now. Le son Dance Floor. Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. Sur Fun Radio et on s'approche petit à petit de la fin de la saison. Bon, déjà, rassurez-vous, l'année prochaine, vous écouterez aussi Bruno dans la radio puisqu'on est là encore une année supplémentaire et on aura plaisir à être là avec toute l'équipe. Mais la dernière semaine de Bruno dans la radio, on va faire ce qu'on a fait l'année dernière parce que vous avez adoré et nous aussi. On va choisir des auditeurs qu'on va emmener avec nous à Ibiza grâce à Mike Posner. D'accord ? Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer avec nous et ce jeu, ça va être la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire un truc. Je vous dis pas maintenant quoi, mais en tout cas, en écoutant Bruno dans la radio, vous pourrez venir passer les derniers jours de la saison avec nous à Ibiza. Bon, c'est ce que je disais, on en a parlé cette semaine, hein. Mais les auditeurs, on avait combien ? On avait une dizaine d'auditeurs qui nous accompagnaient l'année dernière. C'est ça. Ouais, ouais. On les a amenés partout. Alors bon, on s'est fait des bouffes au resto, forcément, ouais. Le petit mojito sur la plage. La plage ? Et vas-y, que je te fasse, je te claque la bise à David Guetta, à Armin van Buuren en VIP, à la soirée de Martin Solveig aussi, Club. On avait vu. Ouais, Martin Solveig. Et en fait, les DJ, vu qu'on les connaît, bah, ils viennent nous voir en croyant du coup que les auditeurs qui sont avec nous sont dans notre équipe. Ils étaient tous en alu. Ouais, c'était énorme. On aura leur témoignage la semaine prochaine. Et donc vous, bah, vous allez pouvoir venir avec nous. On fera ça à partir donc de la semaine pro. Sur Fun Radio, rebonjour Louise. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Coucou. Louise a appelé le 3228 parce qu'elle a un moment happy à partager avec nous. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Alors, ouais, moi, je suis jeune professeur de français. T'as quel âge? Et j'ai 22 ans. Ah oui, t'es jeune, jeune professeur, oui, en effet. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai appris mardi que mon pire élève, genre l'élève tête à claque du fond de la classe, qui balance toujours les boulettes de papier, qui se lève, qui répond, enfin, le cancre parfait, en fait, est exclu toute la semaine de l'établissement. Et donc, je vais pouvoir passer une semaine sans le voir. Et c'est tellement bien. C'est galerie, Louise, parce que on a souvent sur Fun l'autre côté, ouais, l'autre point de vue des élèves qui chient sur les profs. Moi, ça me fait rire quand ça vient dans ça. 22 ans, et c'est ta première année, Louise, alors, en tant que prof? Ouais, ouais, exactement. Bon, alors toi qui nous écoutes le matin sur Fun Radio, on est comment par rapport à la langue française? Dis-nous la vérité, vraiment. Dis ton ressenti. Ça va, il y a juste Elliot qui des fois invente des expressions. Non, je vois pas de quoi tu parles. Hier, j'ai sorti l'armurerie lourde. Ouais. Ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, mais armurerie, artillerie. Ouais, bien sûr. C'est même champ lexical, ouais, pour utiliser des mots compliqués. C'est cousin, quoi. C'est kiff-kiff, la même chose. Louise, bon courage et bientôt les vacances, ma belle. Ouais, bientôt. Et je veux t'entendre crier, je suis heureuse. Je suis heureuse. Wouh. Ah oui, c'est bien d'avoir posé la question parce que il y en a qui croivent qu'on sait pas parler. Ouais, ça je connais. Ouais, les gens qui arrivent ils disent ouais, j'écoute pas Fun, c'est une radio de blaireau, vous savez pas parler. Là moi je dis quoi? Vous disiez quoi? Ouais, c'est clair. Je pète un plomb, ouais, quoi, mais tu c'est vois. C'est normal, il faut. Attends, vous faisiez quoi, les gars? Vous vous respectez aussi. Hein. Vous aurez su ça avant. Ouais. Ah oui, vous oui. aurez fait attention. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord là-dessus. Il y a que Christina qui peut pas parler parce qu'elle parle trop bien. Même en me forçant, Bruno, j'arrive pas. Je suis désolé, je suis trop bien éduqué. Sur Fun Radio, tout de suite, c'est Kungs. Quoi, 10 minutes. Après, vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. 10 minutes et pas une minute de plus. Vous voulez rencontrer David Guetta, vous voulez le voir mixer le soir de la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016. Ça se gagne maintenant et en plus, puisque ça va se passer au Stade de France, vous le rencontrerez dans les loges, David Guetta, du Stade de France, et vous assisterez au match d'ouverture qui va opposer l'équipe de France, pays hôte, à la Roumanie. C'est pour vous, elle le dit, Zara Larsson. Il faut juste tweeter avec le hashtag Bruno Fun Radio. On va choisir un tweet dans 10 minutes. Bon courage. Fun. J-P-I. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, inondations, le Loiret, la Seine-et-Marne et Paris sont touchés par les inondations. Si vous aviez un chien comme animal de compagnie, on vous conseille d'adopter un saumon. Il sera bien plus heureux dans le jardin. Pakistan. Au Pakistan, les hommes pourraient bientôt avoir le droit de battre légèrement leur épouse. Dites-moi Mika, ce ne serait pas légèrement des enculés ? Si, absolument. Nous sommes à une semaine du coup d'envoi de l'Euro 2016. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait, je peux vous dire que c'est mal parti. Il vient de me dire qu'il fallait pas espérer de miracle, c'est foutu. Qui ça, Didier Deschamps au sujet de l'Euro ? Non, le dentiste de Didier Deschamps à propos de ses dents. C'est foutu, on peut plus rien faire. Ah bah oui, je comprends mieux. RIP les dents de Deschamps, la suite. Et pour finir, si vous aimez les tournois de tennis et les chanteurs, découvrez Roland Garros. Voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors à lundi. Le nouveau DJ Snake, vous l'avez découvert hier sur Fun Radio, c'est encore une nouvelle bombe. On commence à se préparer petit à petit la playlist de l'été avec le Justin Timberlake et tout ça, ça va aller dessus. Ça s'appelle Talk, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Touch of your skin. Elliot a eu cette analyse musicale digne des plus grands et qui font de lui, je pense, un des pontes du journalisme musical en 2016. C'est bien pour l'été, ça. C'est vrai. Ah oui. Mais force est de constater que t'as raison, Elliot. DJ Snake, c'est le nouveau, c'était Talk sur Fun Radio. Drake arrive dans quelques secondes et Elliot, puisque je t'ai sous la main, avant qu'on parte ensemble l'assaut du Fort Boyard, on a un petit top 3. Ah oui, exceptionnel. On a parlé de colocation ce matin, il y a eu un petit problème en termes de coloc. On va écouter ça là dans moins de 3 minutes. Qui habille colore la vie. Les t-shirts Disney, ce n'est pas réservé qu'aux...

les amis, c'est vendredi et toute l'équipe de Bruno dans la radio est là comme chaque matin. Merci, hein. Je regarde là sur Twitter, vous êtes des oufs, on fait péter des scores là de tweets avec le hashtag Bruno Fun Radio depuis ce matin, ça fait plaisir. Comment ça va Christina, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va hyper bien, c'est vendredi, je suis en pleine forme. Mais tu pleures. Parce que tu me fais rire parfois, on se montre des trucs à la con sur Twitter, voilà, ça nous fait rire. Ça va mâcher? Bah ouais, moi je suis déçu, du coup je suis un peu le collègue exclu des fous rires des non. autres. Mais tu sais, des fois t'as des trucs, tu peux pas en parler, là typiquement on peut pas en parler. D'accord, non. Ok. Mais ça ne te concerne pas. Ouais, vous vous moquez de moi en fait. Parce que je suis différent. Moi j'ai pas compris non plus. Ah. Ça va Elliot? Ça va, ça va. Moi je suis chaud, tout va bien. Bon, Elliot, on part dimanche à Fort Boyard. On a eu Olivier Mine ce matin. Tu l'as mis dans le top 3 ou pas? Non. Bon, d'accord. On va déjà avoir le top 3 d'Elliot. Le top 3 d'Elliot. 3, 2, 1. Il a dit une magnifique phrase, Olivier Mine, sur moi ce matin. Oui. Ouais. Il a dit quoi déjà? Il a dit. Mais tu peux pas la ressortir cette phrase, elle était bien. Il peut pas dire, il a dit quoi? Il l'a noté. Ah, ah oui, je l'ai noté. Ah, je vais... genre, il a dit non, quoi? Non, je te jure, je rouvre mon Facebook, je l'ai publié sur tous les réseaux sociaux tellement je suis saucé. C'est ça, alors vas-y. Alors, bon, j'ai internet à la radio, c'est n'importe quoi. En gros, il a dit Elliot, c'est comme un citron, il suffit de le presser un peu et ce qui en ressort est merveilleux. Ouais. Et en général, c'est de l'huile. Allez, les trois meilleurs moments de l'émission compilés par Elliot. Numéro 3. Oui, là, il était 6h, donc vous l'avez sûrement pas entendu. Je voudrais revenir sur l'auditeur du jour. On a eu Evan, 14 ans, vous le savez, tous les matins, on dédicace une émission à quelqu'un. C'est l'auditeur qui peut intervenir n'importe quand. Oh, Evan, il était fort parce qu'en fait, il voulait être l'auditeur du jour pour... foutre la rage à son frère Ruben. Ouais, Ruben a déjà été auditeur du jour il y a un mois. Il s'est dit, cette fois, ça va être moi. Et Ruben, il arrêtait pas de se la péter. Donc du coup, franchement, vous lui avez fait un traitement de faveur. Ça. Ouais, on l'a refait. Et s'il y a un concours entre ton frère et toi, t'inquiète pas, t'as déjà gagné. Hein. Je te rappelle qu'il s'appelle Ruben. C'est mignon, Ruben. Oh ouais, c'est sympa. Sûrement dans certains pays. C'est quoi? Et chanson pour Evan. C'est quoi? Tu vas même avoir ta chanson. Va chez, t'es prêt? Oh. Allez. Attention, guitare. 3, 4. Ouh. Allez, pour Evan, tout le monde tape dans les mains. C'est le meilleur, y'a pas de doute. Ce matin, il est là pour nous, c'est Evan. Evan, le plus beau des auditeurs. Le plus fort, le plus grand, le plus doué depuis longtemps, c'est Evan. Evan, qui contrairement à Ruben, a été désiré par les parents. Il était refait. 14 ans, il s'est pointé, il attaquait avec la physique chimie, je crois, ce matin. Exactement. À mon avis, il est arrivé en winner à l'école. Numéro 2. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a parlé des colocations cheloues ce matin, Bruno. On a eu plein d'auditeurs qui sont venus témoigner. Ah, franchement, moi, j'ai jamais vécu en colocation, mais même Christina, qui a vécu en coloc, nous a dit que ça pouvait être lunaire de temps en temps. Bah oui, parce que tu tombes forcément sur des personnes parfois un peu étranges. Et il y a un auditeur qui a eu un problème, mais qui n'en était pas forcément un. Bruno, je te propose de réécouter. C'était quoi, toi, le souci avec ta coloc, Maxence? Bah, moi, j'habitais dans un appart, donc avec ma femme, on avait deux colocs, donc deux gonzesses. Mais attends, t'as quel âge? 20 ans. Et l'autre, il parle comme si. Ouais, vraiment. 45. Ouais, dis donc, avec ma femme, on avait deux gonzesses et non, on avait six marmots. Mais non, mais oui, parce que Bruno, on s'est mis en couple, c'est vrai, on avait 12 ans. Bon, j'ai fait le premier gosse à 13 ans, forcément, parce qu'on était bien. Et puis, ça a suivi, quoi. On a acheté le kangou à 15 ans. En même temps, j'ai pas de mérite, c'était ma sœur. Oh. Allez, suivez. Maxence. Suivez de la part. C'était quoi le souci avec ta coloc? La meuf, elle s'est emballée, genre. Tout le temps à poil, toujours en sous-vêtements ou pas de gêne. Mais c'était quoi le souci avec ta coloc? Et donc, c'était quoi le problème? Le pauvre, il n'y avait aucun souci pourtant. C'était drôle, la coloc qui se balade à poil, c'est drôle. Bah, bien sûr. Allez, numéro 1. Numéro 1. Numéro 1, c'était aussi très tôt ce matin, dans le tour de 6h20. C'est parti de toi, Bruno, je crois, en fait, qui ne supporte plus cette chanson de Renaud. Je sais pas si on peut avoir un extrait quelque part. Écoute, en fait, est-ce que vous avez en ce moment? Excuse-moi. Non, c'est la chanson de Renaud, sa dernière, J'ai embrassé un flic, que j'ai entendu. J'aime beaucoup le personnage. Voilà, c'est un chanteur que vous connaissez peut-être, les plus jeunes peut-être un peu moins, mais voilà, c'est un chanteur culte et c'est vrai que j'adore le personnage. Mais sa dernière chanson, j'y arrive pas. Embrasser un flic. Toujours debout. Toujours vivant. Non, rassurez-vous. On s'est foutu de la tronche de cette voix, là. Le problème, en fait, c'est sa voix. Mais voilà, le pauvre, il a sombré dans l'alcoolisme. Il n'a pas récupéré complètement sa voix. Mais le problème, c'est que du coup, quand il chante, j'ai envie de faire. Il a beaucoup fumé aussi. J'ai envie de tousser. Ouais, il a fait plein de trucs. Il y a eu ça. Il y a aussi la chanson de Vaché. Je vous propose de réécouter. Ouais, on s'est fait du coup le top des chansons là, actuelles qui nous énervaient un peu. Est-ce que vous avez en ce moment une chanson qui vous énerve? Vous l'entendez, vous êtes obligé de zapper. J'ai embrassé un flic. Ouais, c'est ça. J'ai embrassé un flic. Toujours debout. Ouais, toujours vivant, assurez-vous, tout va bien. Et... on dirait que je mange pas très droit. Et ça va quand même. Vous voyez bien que ma voix pète la santé. Va chier. Alors moi, c'est la dernière de Christophe Maé qui passe sur TF1. Oh, il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Je me suis énervé tout seul. Et il est déguisé en papy là, c'est mal fait là, son vieux costume à 10 balles qu'il a acheté chez Lidl. Oh, mais en dégage plus, quoi. Derrière, t'as envie de dire dans ton cul. Il est où le bonheur, il est où? Dans ton cul, dans ton cul. Ça y est, c'est fini, le top 3. On était en forme ce matin, hein. C'est vraiment oh putain, c'est vendredi. Ouais, j'aime pas être vulgaire, mais franchement, des fois, on est un peu zazou, quoi. On est vraiment zazou. Les amis, je suis en train de regarder les commentaires sur la page Facebook. On a posté ce matin, tu sais, j'ai fait suite à un message que m'avait envoyé Arthur sur une vanne pour l'Euro 2000. Il y a un mec sur la page Facebook qui a mis Mathias, c'est pas comme si ça avait déjà été fait 150 fois. Il faut que vous compreniez quelque chose. Auditeurs de Fun Radio, des fois, on fait suivre des vannes qu'on trouve sur le net que vous avez peut-être déjà vu vous, mais que d'autres ne connaissent pas. Et donc, nous, on essaye de faire passer l'info à un plus grand nombre de gens. Ouais, et puis, personne n'invente rien de nos jours. C'est toujours angoissant, les gens qui disent « Ah bah tiens, je vais te parler d'un truc, oui, bah je l'ai déjà vu ». Oui. Bah c'est pas parce que tu as déjà vu que les autres n'ont pas le droit de le voir. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci. Comme on dit, Elliot, ta gueule. Hein. Parce qu'on relève pas depuis tout à l'heure, mais ça nous les brise. Hein. Allez. Et comme on les dit. Amis, direction le Stade de France. Le 10 juin prochain, vous serez au Stade de France avec David Guetta. David Guetta avec l'UEFA. On choisit une seule radio pour la cérémonie d'ouverture. Et cette radio, c'est Fun Radio. Et donc, bah, ils vous ont choisi, vous, pour assister à la cérémonie d'ouverture. Vous allez être là pendant le mix d'ouverture de David Guetta. Ça va être suivi par toutes les télévisions du monde entier, forcément. Ensuite, David Guetta, il va venir passer un petit moment avec vous. Et puis ensuite, vous allez assister au match d'ouverture de l'Euro 2016, France-Roumanie. Si vous aimez David Guetta, si vous aimez l'équipe de France, bah, vous allez être refait de ouf. Hashtag Bruno Fun Radio. On a passé le cap des 10 000 tweets hein, ce matin depuis 6 heures. On a choisi, alors il y en a qui ont tweeté beaucoup, d'autres un peu moins, mais on avait dit que c'était pas forcément une question de nombre. On a envoyé des inbox pour demander des numéros de téléphone. J'ai quelques numéros devant moi, je vais appeler, si ça ne décroche pas, j'appelle quelqu'un d'autre, etc. Jusqu'à temps qu'on ait un gagnant ou une gagnante. Elle, en l'occurrence, elle en a envoyé quelques-uns des tweets. Allô ? Oui ? Lucie ? Oui ? Lucie, c'est Bruno ? Oui ! Tu pars voir David Guetta au Stade de France ? Oui ! Merci ! De quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? J'ai dit merci, je suis trop content. Ah, ça fait plaisir, ma chérie. Elle est émue, la pauvre. Lucie, ça va se passer le 10 juin prochain. Cérémonie d'ouverture au Stade de France. Tu vas assister au mix de Guetta pour l'ouverture, d'accord ? Oui. Ensuite, bah, tu vas rencontrer David Guetta. Tu l'as déjà rencontré ou pas ? Non, jamais. J'ai été à plein de ses concerts, mais je l'ai jamais vu. Eh ben, tu vas le rencontrer, d'accord ? Je suis trop contente. Et puis après, j'espère que tu kiffes un peu le foot ou t'as un mec qui kiffe le foot parce qu'après, tu vas assister au match France-Roumanie. Mon copain aime bien le foot, ouais. Donc, et parfait. Ben, écoute, donc tu vas te faire une soirée de kiff, Lucie. Je suis trop contente. Merci, la famille. Merci beaucoup. T'habites où ? Tu fais quoi dans la vie ? J'habite à côté de Lyon et je suis étudiante en droit. Étudiante en droit, tu veux faire quoi plus tard ? J'aimerais bien, dans l'idéal, avocate, mais sinon assistante. D'accord. Assistante eh ben, d'avocate. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Tu nous feras péter quelques photos, Lucie, on est d'accord hein ? Oui, parfait, super, promis. Je te fais des bisous. Merci beaucoup, bisous. Bisous, bisous, ma chérie. Bah, et t'es contente ? Ah, bah oui, tu m'étonnes. Attends, c'est un cadeau de ouf. Bon, les amis, alors, que faites-vous ce week-end, là, avant de laisser partir tout le monde ? Christina ? Alors, coiffeur cet après-midi, j'attends ça comme le Messie. Et demain, on a une petite fête de Pax. J'embrasse très fort Arthur et Amélie. Voilà. Arthur et Amélie, ouais. On va fêter ça tous ensemble. Il y a une partie de l'équipe qui vient demain. Tu Turo, mon pote Turo. Ouais. C'est demain, ouais. C'est un mariage parc. On se sape bien hein, demain. Et alors, il a une bonne idée parce que voilà, donc c'est à Paris, forcément. Et il avait réservé une péniche à Paris. Bon, bah, on a changé d'endroit, hein, puisque l'endroit où ça devait se faire, il y a 1m50 de flotte. Ouais. Bah, c'est dommage, la péniche, elle peut aller partout en ce moment. Mon petit vaché. Ouais, mais moi, j'ai mon petit cousin qui est là, qui est venu d'ailleurs dans les studios, qui s'appelle Anthony. Il est juste là. Ouais, ouais. Petit Anthony, on va les faire visiter à Paris, la Tour Eiffel, ouais. Les accordéons, le métro. Elliot. Oh, moi, je me repose. Pour dimanche, on va partir du côté de Fort Boyard. Fort quoi ? Fort Boyard. Fort Boyard. Il a dit quoi ? Il a dit Fort Boyard. Non, mais je dis rapidement, Fort Boyard. Fort Boyard. Fort Boyard. Fort Boyard. Fort Boyard. Il a dit Fort Boyard. Il a dit Fort Boyard. C'est entre les deux. À Foura. Ouais. Non, non, mais je te dis, elle a joli des fascicules depuis deux jours. Fascicules, mais c'est pas possible. Mais ce mot, pourquoi plus personne ne l'emploie à ton avis ? Parce qu'il nous fait chier. Et donc, faut pas le ressortir comme ça. Non mais tout est un kiff, genre là, moi je prends tout pour des coulisses, on a reçu la feuille de route, donc ça y est, on doit aller à la gare, je sais plus vers quelle heure, enfin tout ça là, tous les documents avec un logo Fort Boyard, genre je vais les encadrer. Des documents ou des fascicules ? Fort Boyard. Je te dis rapidement, c'est ma façon de dire. Fort Boyard. Fort Boyard. Mais me reprends pas, si, il va falloir que tu me reprends la honte, je vais Fort Boyard, Fort Boyard. Bon, et franchement, l'événement, on va le suivre sur Fun Radio en direct lundi matin. Et surtout, vous partez dimanche soir, alors on compte sur vous pour poster des petites photos. Un fond de cale réseaux sociaux, tout ça, etc. Et lundi matin, on sera là. Hein. Attention, même si on est en studio, on amène le matos hein, pour pouvoir faire de la radio. Mais depuis, vous est à l'antenne en plus de vos photos. Hein. Depuis le Fort Boyard. Le Châtelain est là. Je te jure, ça me met bien ça pour le week-end. Bonjour les amis. Salut Mika, c'est à mon poteau. Et alors Mika, tiens, ça peut-être une idée toi, parce qu'on a lancé ce matin l'idée d'un cri de guerre pour faire Fort Boyard lundi et on ne l'a pas pour l'instant. Ah oui, zut. Tiens, Anso, ma chouchoute. Bonjour. Il faut savoir qu'à Fun Radio, j'ai tous les animateurs sous la main. Et émission spéciale ce soir, ma chérie. Vous êtes, y a un concert fun que vous animez. Oui, c'est ça. On anime au Chaudron du Portel le Fun Radio Live avec plein d'artistes et avec Marion. Dis-moi, est-ce que ça vous dérange si pour Fort Boyard on vous chante le cri de guerre du night show ? Ah bah pas du tout, au contraire. Ouais, parce que peut-être que tu peux rappeler quand même d'où il vient ce cri de guerre. Parce que peut-être que les gens sont pas au courant. Ah oui, c'est vrai. Où est-ce que tu l'as trouvé ? Je l'ai trouvé en buvant un verre avec un ami qui est vaché. Voilà. Et d'où vient-il vaché maintenant ? Ben, on était bourrés, on chantait ça tous les deux et on s'est enregistré sur l'iPhone sans savoir que ça deviendrait un jour célèbre. Exactement. Alors, et c'est quoi le truc ? C'est est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Tu me le prêtes si je fais Fort Boyard ? Avec plaisir. Très bien. Ah, c'est pas mal, moi, pas je mal, pense. Ça, ouais, je trouve, hein, c'est bien. Bon les amis, rendez-vous lundi, des bisous sur vos culs, c'est Mika qui vous accompagne jusqu'à midi. Bon les amis, vous utilisez tous Shazam ici. Oui. Shazam ? Ouais, Shazam. Ouais. T'utilises Shazam toi ? Ouais, j'utilise Shazam. Et bah ça tombe bien parce que c'est le numéro 1 Shazam. Transition de ouf, c'est pour moi. C'est quoi ? C'est Drake ? Eh non, c'est des euros. Et ça arrive après Drake. Ah, hey, t'as vu un peu ? Hey. Oh là là. Bisous la famille, non, bye. Je l'ai pas vu venir là, je te vois. C'est cadeau. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow.